toi qui as chanté très fort, très longtemps et très très faux dans la voiture, mais toi qui es rentré entier ce soir-là, n'oublie jamais de remercier ton Sam, le conducteur désigné, parce que vraiment, tu chantais très faux. Et pour lui montrer votre respect, tentez de gagner 2 places de concert Énergie pour vous et votre Sam. Partagez votre Sam expérience avec le hashtag Respect Sam Énergie. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Respect Sam. Jeu jusqu'au 30 décembre 2018, règlement sur énergie.fr. Téléchargez l'appli Énergie gratuite. Sans abonnement, avec 150 radios digitales. Énergie, hit music only. Alors, une colonne de douche thermostatique pour mamie, une pergola pour François, un porte-chaussures pour mon cousin, des mitigeurs pour les enfants, oh, et une penderie sur mesure pour moi. Jusqu'au 31 décembre, c'est le Noël des prix bienfaits chez La Paire. Et on vous offre 20% de remise sur votre article préféré. La Paire, le savoir bien faire. Cuisine, salle de bain, menuiserie. Offre valable hors cuisine, conditions sur lapaire.fr. Avec le pack Open Orange, retrouvez ce que Noël a de plus merveilleux. Moi, avec le forfait Orange 50Go, je révise mes chants de Noël en streaming. Et ben moi, avec le forfait Orange 50Go à 9,99€, j'envoie mes vidéos de Noël à toute ma famille. 50Go de vidéos par mois, on va avoir le temps de s'occuper. Hein. Avec Orange, profitez du forfait mobile 50Go pour clients pack Open à 9,99€ par mois pendant 12 mois au lieu de 24,99€ par mois. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Valable jusqu'au 8 janvier 2019, 15€ par mois remboursé pour les nouveaux clients, engagement 12 mois, conditions sur orange.fr. Ça y est, chaque hiver, c'est la même chanson. Le rhume, la fièvre et les frissons. Le nez qui coule, qu'est-ce que c'est nul pour aller mieux. Y'a Humex Lib, paracétamol, chlorphénamine, gélule. Prenez le dessus sur les symptômes de votre rhume. Prenez Humex Lib, paracétamol, chlorphénamine, gélule. Prenez Humex Lib, paracétamol, chlorphénamine, gélule. Humex Lib, paracétamol, chlorphénamine, gélule. Médicament pas avant 15 ans, indiqué contre les symptômes des rhumes. Contient du paracétamol. Attention au risque pour le foie en cas de surdosage. Lire attentivement la notice. Demandez conseil à votre pharmacien. Si les symptômes persistent, consultez votre médecin. Chez Marionneau, notre mission, c'est vos cadeaux. Comme on aime vous gâter, en ce moment, profitez de moins 25% des 79€ d'achat. Et avec le Click and Collect Express 1h, commandez sur marionneau.com et retirez vos cadeaux 1 heure après dans le magasin de votre choix. Joyeux Noël avec Marionneau. Offre et conditions en magasin sur marionneau.com. Marionneau, la beauté qui me ressemble. Bien, faut-il payer cher un forfait qu'on utilise peu? Vous avez 2 heures. Chez Free, le forfait mobile avec 2 heures d'appels et SMS illimités est à seulement 2€ par mois. Et 0€ par mois pour les abonnés Freebox. Offre soumise à condition. Plus d'infos sur mobile.free.fr. Avec Conforama, Noël est plus beau. Quand votre ado frôle la grève de la faim pour avoir son smartphone, on propose le Samsung A7 6 pouces à 299€, soit 50€ de remise. Pour liker Noël comme jamais. Conforama, gaz 0,335 watts par kilo jusqu'au 24 décembre. Conditions sur Conforama.fr. Bah la prime de Noël chez Opel, je croyais que c'était une légende. Une reprise de 4 000€ minimum pour l'achat d'une Opel. Un conte de Noël, quoi. Et puis en fait, c'était vrai. Et j'ai raté l'offre. Bon, depuis, je crois à tout. Moi, le Père Noël, les lutins, les rennes qui volent, tout le bazar. Même la petite souris, j'y crois dans le doute. Eh ben, répétez-le pas. Hein. Le Père Noël existe bien. Jusqu'au 31 décembre, bénéficiez d'une prime de Noël Opel de 4 000€ pour la reprise de votre véhicule et l'achat d'une Opel neuve en stock identifié. Offre non cumulable réservée aux particuliers. Conditions sur opel.fr. Koé revient dans 3 minutes. 3 minutes. Énergie. Avec la petite annonce de quelqu'un qui recherche un Père Noël pour le soir de Noël. Dans un instant, je serai un Père Noël de 65 ans qui n'aime pas les gosses. Restez avec nous, c'est dans 3 minutes. Elles sont liées bien souvent et parfois elles sont libres. Elles font des cerfs-volants, elles écrivent des livres. Parfois elles sont ouvertes, parfois elles sont courantes. Il y a des gens qui les ferment et des gens qui les tendent. On les met sur le cœur, on les met dans les poches. Elles construisent des parcs où vont courir les mioches. Si elles servent à sévir parfois autour du monde, on pourrait les unir, ça ferait une ronde. Celles qui tiennent des armes, celles qui sèchent de larmes, qui consolent les enfants. Celles qui nous unissent, celles qui nous punissent. Donne-moi ta main, gamin, et leur prends la scène et nous ferons une ronde, une échelle. Donne-moi ta main, gamin, et leur prends la scène, nous tournerons en rond, allez, ma peine. Donne-moi ta main, donne-moi ta main, gamin, et nous tournerons. elles sont heureuses, parfois elles sont si seules. Quand elles sont baladeuses, tu les prends dans la gueule. Elles sont nues bien souvent, y'a des gens qui la gantent. On les met à couper, y'a des gens qui les demandent. Seules qui tiennent des armes, celles qui sèchent de larmes, qui consolent les enfants. Seules qui nous unissent, celles qui nous punissent. Moi ta main, je l'attends. Donne-moi ta main. J'étais perdu, tu sais, comme toi, dans la peine, j'ai attendu que l'on prenne la mienne. D'une main tendue, tu sais, on peut faire des chaînes, et aujourd'hui, c'est moi qui prends la tienne. Donne-moi ta main. Ça sent le sapin. 17h-20h, c'est Coé sur Énergie. Salut à tous. J'espère que ça va. Vous allez bien? Vous êtes en forme? Salut, tu vas bien? Salut, et toi, tu es en forme? Ah, je suis plutôt en forme. Salut Jean-Jacques. Bah, écoute, la patate. La patate, t'as la forme, Jean-Jacques? Je suis en pleine forme. Ok, standard. J'attends les gens qui me passent un coup de bigot. Ok, 0800, tu aimes ça? 0800 70 42 48, le petit coup de bigot qui fait plaisir. Bah, c'est le coup de bigot, un bras narcissique. Mais si c'est comme ça que vous le prenez, prenez-le. Et surtout, n'oubliez pas, si vous avez de la moustache, vous contactez Jean-Jacques. On a fait un snap. Venez sur mon snap Coé Off. Si vous, c'est Coé officiel. Si vous voulez voir toutes les coulisses de l'émission sur Instagram, suivez-moi, follow-moi. Coé officiel. Et sur Snap, c'est Coé Off. On a fait un truc à moustache. Voilà. Avec Jean-Jacques. Il n'y a rien de sexuel, mais c'était Jean-Jacques qui ont fait un truc. Bon, attendez, on en est où là? Que je regarde un petit peu là sur mon Insta. On est 653 000. On aurait pu passer 654 000 ce soir. Pourquoi t'es pas prêt, toi? Ah, je suis un peu dingue. On verra ça dans quelques minutes. Le Rico Show arrive dans un instant. J'espère que vous avez tous passé une belle émission. Oui. Demain, déjà mercredi. Ouais. Je vais vous dire deux banalités là, juste après. Ensuite, c'est jeudi. Et après? Et on va finir par vendredi. C'est pas vrai. Mais si, comme toutes les semaines. Je mais le ça veut dire pas. Que là, on va prendre 8 jours de vacances. Oui. On sera de retour le 3. Oui. On prend pas 15 jours. Hein. On prend premier, le 2. Bon, on va se remettre. Voilà. Et le 3, on est là. Voilà. Comme ça, si vous êtes en vacances la semaine du 3. Vous pourrez venir, c'est un mercredi le 3. C'est un jeudi. Vous pourrez venir. Ah, ils nous vont reprendre un jeudi. Oui. Ah, ok, super. Et donc vous pourrez venir jeudi, vendredi, assister à l'émission. coépublic@energie.com, d'accord? Ça va, monsieur Bordas? Ouais, ça va et toi? Moi aussi, ça va très bien. Monsieur Jeff aussi? Très, très bien. S'il y a des gens qui recherchent un Père Noël pour le soir du 24, je vous le lis. Recherche personne disponible, donc le soir du 24 décembre, pour distribuer les cadeaux à une petite fille de 4 ans. Oh. À Dole de Bretagne. Dole de Bretagne, c'est une ville? Oui, c'est oui, ça. À Dole. Je sais pas. D'une durée de 15 à 20 minutes. Ah, quand même. 15 à 20 minutes, c'est long. Oui. C'est long, 15 à 20 minutes. Ça va. Surtout si on n'aime pas les enfants. Oui, non, ça, oui, c'est vrai. Ça, okay. C'est vrai. Donc, je n'aime pas les enfants. Voilà. Je suis Père Noël. On appelle. On termine là-dessus. D'accord. Chut, silence. Aïe. Allez. Gamin Fab. On y va. Allô? Oui. Oui, bonjour madame, j'appelle pour l'annonce, il paraît que vous cherchez un Père Noël. Ah oui, bonsoir monsieur. Bonsoir madame, voilà, je me présente, André, 65 ans. Mm-hmm. Voilà, j'ai le costume de Père Noël, j'ai la hotte. Oui. Même un traîneau. Ah Ah oui, d'accord. Bon, j'ai l'embonpoint, j'ai le physique, voilà, je peux me garer devant chez vous, c'est chouette. D'accord, vous habitez loin de Dole ? Non, je suis à Dole. D'accord, voilà. Ok. Bon. Alors moi, je fais ça depuis 20 ans. Vous avez déjà fait ça ? Comment ? Oui, donc vous avez déjà fait ça, monsieur. Depuis 20 ans, madame. D'accord. Bon, okay. Perso, vous savez, moi, Noël, ça me fait chier. Alors, je préfère bosser ce soir-là que d'être à le seul à la maison. Et là, ça me rapporte de l'argent. Oui, bah oui, c'est sûr, c'est le but un petit peu. Voilà, c'est payé donc, combien d'ailleurs que... Parlons des choses sérieuses tout de suite. C'est payé combien? Bah après, voilà, c'est à négocier. Moi, je m'étais dit que bon, 15 on va négocier euros, tout de suite. Comment? 15 euros peut-être. Ah, j'ai des frais, madame. Hein. 15 euros, ça paye pas le. Voilà, il y a un moment, 15, vous me demandez de rester 20 minutes. Ça fait même pas 1 euro la minute. Oui, bah, 15, non, mais 15 minutes, si. Bon, voilà, on n'est pas à 5 minutes près. Ah, mais à 15 euros, minutes, je ne fais pas 15 minutes, madame. Il faut trouver un petit forfait à 40 euros. Ah non. Bah, madame, quand même, euros, vous demandez un Père Noël qui vient chez vous habillé, madame. Bah oui, c'est mieux habillé, oui. Donc, c'est le prix, madame. Après, moi, j'ai qu'une petite fille, hein. C'est pas une chose d'enfant. Ah, mais hein. Alors, justement, alors voilà, hein. Oui, c'est ce que je voulais savoir. Donc, une petite fille dans la maison. Oui. Voilà. Elle est calme, quel âge elle a ? Elle a 4 ans et demi. Très bien, parce que moi aussi, j'aime pas quand ça braille les gamins, tout ça, vous voyez, ça chouine tout le temps. Ah, bah, c'est une petite fille de 4 ans oui, et demi. Oui, mais hein, loin de moi, tout. Oui, enfin, vous voyez, moi, je les aime calmes. Et là, calme. En plus, elle risque d'être un petit peu excitée parce que, voilà. Non, mais qu'elle soit excitée en silence, vous voyez, c'est ça que je veux dire. Pas de Père Noël, tout ça, ça. Oui, enfin bon, Père Noël, c'est essentiellement pour les enfants. Hein, oui, non, mais je sais bien, mais vous voyez, par exemple, vous voyez, je vous le dis tout de suite, elle est propre. Comment ça, elle est propre? Moi, je veux pas qu'il y ait un enfant qui me touche trop, qui me tire sur le costume ou qui me salope avec ses doigts dégueulasses mon costume, parce que ça mange du chocolat, ça mange de la glace et non, après ça fait des traces. Non mais laissez tomber, hein, c'est pas grave, je trouverai. Non mais madame, je demande si la vôtre est propre. J'ai pas de soucis, bien mais sûr qu'elle est propre, mais c'est normal que je demande, monsieur, madame. Elle aura mangé toute la soirée, vous croyez quoi que. Bah oui, mais madame, enfin. Ma fille mange pas de gâteau apéro parce qu'il y a le Père Noël qui va arriver. Mais madame, la dernière fois, des fois, ils font des bisous, ils ont une mouquette là qui dépasse du nez, et ils se mouchent dans le truc. Moi, si tous les enfants font ça, je suis pas un mouchoir, je suis pas là pour porter les trucs de tous les enfants. Vous allez loin, là, ma fille, elle va pas se moucher dans votre costume. Elle a jamais de mouquette, peut-être, elle a jamais de petits trucs qui sous le nez. Vous savez, le truc qui est tout sec et liquide dedans, là, comme les fondants au chocolat de chez Picard. C'est tout dur, et dedans, c'est encore tout liquide. Elle n'a pas ça. Non, elle n'a pas ça, non. Bon, alors, c'est bien la première que je connais qui n'a pas de mouquette. Alors, peut-être. C'est la première petite fille qu'elle n'est propre. Et ben voilà. Madame, si elle a des mains propres aussi et qu'elle est propre, votre enfant, j'ai pas de soucis. Parce que des fois, il y a des crados. Ben, les crados, j'aime pas ça. Après, il est où le problème? C'est que les enfants sont dégueulasses et que je peux plus les supporter. Comment ? Eh bien, si vous ne pouvez plus les supporter, changez de costume et allez faire un bal costumé ailleurs, quoi. Non, mais écoutez, madame, moi, je demande une autorisation parentale. Il faut juste signer avant en disant respect du Père Noël et que les parents autorisent, en cas de débordement, à ce que je leur mette une torgnole. Pardon ? Une torgnole à qui ? À ma fille ? Ah non, pas à la vôtre spécialement. C'est une décharge plus globale, vous voyez, c'est pour tous les enfants. Ouais, bien sûr, ouais. Mais c'est pas de supplément. Bah, n'importe quoi. Comme ça, ils vont se coucher, après ils dorment bien. Et vous trouvez souvent des gens qui vous prennent pour faire le Père Noël avec un comportement comme le vôtre ? Bien sûr, madame, tous les ans. Ah ben, vous avez de la chance, hein. Ben voilà, bravo, madame. Mais en tout cas, vous viendrez pas chez moi. Il est hors de question que vous foutiez un pied chez moi. Bah écoutez, avec un comportement pareil. C'est dommage, elle a l'air propre. Vous voyez, elle a l'air bien éduquée. Ouais, c'est dommage. Elle fait pas de mouquette. Voilà, elle fait pas. Elle est sûrement mieux éduquée que vous, en tout cas. Pourquoi donc ? Bah attendez, mais vous rendez compte du vocabulaire que vous utilisez? Vous dites que ma fille, elle est dégueulasse. Mais pas c'est pas du tout ce que j'ai dit. J'ai dit des fois, les enfants sont dégueulasses. Ouais, la vôtre a l'air propre, madame. Oui, bah oui, elle est propre. Voilà. Y a pas de toute façon, si elle n'est pas propre, moi, vous savez, au moment de donner les cadeaux, bing, 2-3 coups de latte à l'intérieur. Et ce sera Barbie, Madame malade, Patate, hein, ça veut dire que les... Vous êtes un grand malade, Vous seriez face à moi, je crois que vous... C'est vous qui vous prendriez une torgnole. Et pourquoi ? Franchement, on tape pas le Père Noël, madame ? C'est quoi ces manières ? Il n'y a pas de moquette ? Ouais, non, je vais taper le débile qui est dans le costume du Père Noël. Mais madame, enfin, je suis choquée. Pourquoi ? Ouais, non, mais vous savez quoi ? Laissez tomber. Allez bosser ailleurs. Le soir de Noël, puisque ça vous fait chier, bah, prenez un médoc et allez vous coucher. Ça ne fait personne, quoi. Elle n'est pas très esprit de Noël. Gros con. Abruti, donc. Vas-y, rigole, t'as raison. Ouais, rigole pendant que t'as encore des dents, t'as raison. Violent. Bravo. Mademoiselle, mademoiselle, je ne suis pas un vrai Père Noël, je ne suis pas un gars qui essaie de faire le Père Noël. Je m'appelle. Bah, je me doute que vous n'êtes pas un Père Noël. Avec non, mais. Comme ça. C'est pas une blague. Tout va bien, je m'appelle Coé, on est sur Énergie. Je voulais être le pire Père Noël qui pouvait se faire employer. Je crois qu'on ça a pas. Ça a marché, ça a marché. Je crois qu'on n'a pas pire. Je vous, fais... vous voulez toujours pas que je vienne? Ouais, non, ça ira. On vous embrasse, applaudissez-la. Bravo. Bisous, bravo. Évidemment que Père Noël, il met pas des torgnoles. Un vrai Père Noël, il fait des bisous, il prend sur ses genoux et puis voilà. Bien sûr. Sauf s'il y a de la mouquette. Non, non, même s'il y a de la mouquette. Il le fait. Je vous embrasse, mademoiselle. C'est quoi votre petit prénom? C'est Mathilde. Bisous, Mathilde. Bisous, Mathilde. Comment? Elle a eu peur. Vous êtes des gros malades. Eh oui. C'était le personnage. Théâtre ce soir. Je vous fais des gros bisous. On va vous laisser avec toute l'équipe du Ricochet. On va vous dire à demain en vous faisant des bisous, en espérant que vous allez passer une très belle soirée sur Énergie, qu'elle continue tout le monde. Demain matin, vous allez vous réveiller avec Manu et tout va bien se passer. Ça va là-haut? Vous allez ça bien? Ça va, Père Noël? Ça va bien. Ça va bien. Quelle barre de rire. Cette dame, ne, vous avez remarqué qu'elle n'a pas. Dès qu'on dit aux gens que si les enfants se tiennent mal, tout de suite, ils disent quoi? Mes enfants se tiennent mal? Ah ouais. Scandale. Ouais, on supporte que les siens. Et encore, difficile. Et encore. Et encore, gros bisous les amis, bisous, bonne soirée, l'équipe. On revient demain, 17h. Bisous, à la bonne chance. Sur Énergie. Salut à tous, je m'appelle Aymeric Bonnery, mon surnom c'est Rico et vous venez d'atterrir dans le Rico Show sur Énergie. On est super content de vous avoir avec nous. On parle du Père Noël. Eh bien, ce soir, Malik est une ordure de Père Noël. Vous allez voir, il va monter dans son VTC, récupérer son client. On va allumer la radio pour l'annoncer, rechercher. Mais croyez-moi, comme Coé, le Père Noël est à l'honneur ce soir. On va se régaler, les amis. On va se faire aussi, je vous le dis, l'appel police dans 5 minutes. On va appeler une maman pour lui dire que sa fille vend des objets coquins sous le manteau. Alors, pour la libérer, puisqu'elle est en garde à vue, il faut qu'elle s'accuse elle-même en disant non, ce sont mes objets, monsieur. Va-t-elle le faire pour l'amour d'une fille? C'est ce qu'on verra. Et puis vous le savez, semaine de Noël oblige, on permet à des proches de se retrouver. Et ce soir, on a une histoire complètement folle avec un beau papa hein, qui souhaite faire quelque chose de fou avec son fils. C'est énorme ce qui va se passer, les amis. Restez bien avec nous. On est là jusqu'à 23h. On va avoir que des kiffs, des news, du bonheur. Et puis surtout, 30% des Français partagent un secret commun. On en parle là tout de suite. Ça va, ça? Bonsoir à tous. Bonsoir, Rico. Alors, ton secret, c'est quoi, toi? Ouh là là, tu voudrais le savoir? Escroquer ses amis. Mais non, je rappelle qu'elle m'a escroqué ce week-end. Oui, plus de 200 euros. Ça va, le tombeur? Bah écoute, en pleine forme. Quel est ton secret, le tombeur? Éradiquer les morpions. D'accord. Ah, c'est pour ça que je me trouvais que tu te grattais moins. Ouais. Peut-être changer de compagnie aussi, ça aide. Ah, hein, c'est ça aussi. Le tombeur de l'équipe. Ça va, JM? Écoute, ça va au taquet. Comment il va? Écoute, très bien. Et moi, j'ai croisé le père à Sarah. Ouais. Putain, il a une nouvelle voiture. Oh non. Oh, il roule en Merco. Il m'a volé, il m'a gratté. Il m'a gratté. Vous le savez, hier, je vous en ai parlé. On a fait un petit resto couscous. Il m'a fait double facture. Ça, je vais en parler toute l'année. Vous venez, 0870 42 48. Hashtag Ricochet sur Énergie. On vous attend. Les amis, ça tombe. C'est le bail du jour. 30% des Français partagent un secret commun. Lequel, Sarah? Je sais pas moi, le nombre de conquêtes qu'ils ont eu dans une vie. Ah oui, c'est un secret, on ne dévoile jamais le nombre. Mais c'est tabou, jamais, au grand jamais. Mon mec croit que j'en ai eu qu'un et lui. Ah oui. Les amis, il y a du très très lourd. Letter bitches sur Énergie, on en parle. Et puis j'ai hâte d'avoir le secret hein, que pense Sylvain. 30% des Français en tout cas en ont un commun. Et croyez-moi, il est fou. On est là sur Énergie jusqu'à 23h. This is complete and total bullshit. If I show you my tits, will you let me in? Can you just take another drink with me? Thanks. Later, bitches. This is like the best. Bitches. Sur Énergie. Eh oui, 30% des Français gardent un secret commun, les amis. Lequel, JM ? La dernière fois qu'ils ont fait l'amour. Non, non, c'est pas ça, mais franchement, moi aussi, je l'ai ce secret. Je suis dans les 30%, je vous le dis, Sylvain. Comment acheter une petite liste de Noël. D'accord, comment j'ai pu embaucher Sylvain, hein, c'est exactement cette histoire, ça. Non, mais je sais pas qui recycle les cadeaux de l'année dernière pour les réoffrir en cadeau cette année. Pas du tout, 30% des Français aimeraient garder leur recherche en ligne secrète. Parmi les milliers d'internautes interrogés, nombre d'entre eux ont avoué cacher un petit secret dans leur historique de navigation qu'ils préféraient justement que personne ne soit au courant. Je vous le dis, il y a l'ego surfing, en fait, c'est des recherches d'informations sur eux-mêmes, par exemple. Ouais. C'est ce qui, voilà, ça, ils vont pas te dire, écoute, je me suis recherché sur Google. Non, mais qui n'a pas tapé son prénom et son nom? Ça, personne veut le dire, Sarah. Moi, j'ai une alerte carrément. Dès que ça sort Sarah Cadour, je te jure, je reçois un mail. Elle est triste, ça fait longtemps que ça passe au nez. Je vous le dis. Et puis, il y a aussi le contenu pour adultes. Bon, ça, c'est du classique. Oui. Hein, quand on fait ses petites recherches coquines, on n'est pas à l'aise. Hein. Non. Ah, ben moi, je suis le premier. Ah, oui. Mais par contre, je le laisse bien en grand, moi, l'écran. D'accord, d'accord. Pour qu'on comprenne le personnage. C'est-à-dire que si ça vous a pas rebuté derrière, attention à la double lame. C'est-à-dire que lui, il préfère écrémer au départ, il n'y a pas de faux semblant. Hein. Mais par contre, quand vous êtes bien au courant, si vous y allez quand même au mastic, si vous allez parler au potard, je peux vous dire que derrière c'est compliqué. Alors ça c'est sûr. Il y a aussi 21% des Français affirment utiliser le Wi-Fi qu'à domicile, jamais en public. Non. Vous êtes en angoisse à l'idée de se connecter à un Wi-Fi public. Pourquoi? Pour qu'on pénètre dans votre téléphone. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont peur de quoi, les jeunes? Ça va, c'est pas non plus les présidents de la République. Mais moi je dis ça, mais vas-y, connectez-vous, fouillez mes données personnelles, je m'en fous, moi. JM, il y a un McDo à 1 km, ta meuf y est souvent. Ah merde. Et elle mange pas que des Big Mac. Oh non, c'est pas gentil. C'est vrai qu'elle adore le nugget en ce moment. J'ai dit, c'est sa commande préférée. Et puis 18% des Français utilisent Internet en navigation privée pour éviter que leur chérie ne tombe sur leur consommation d'Internet. Apparemment, vous planquez. Non mais attends, les recherches déjà liées à l'intime, moi j'ai pas envie que mon mec sache que j'ai tapé sécheresse intime, comment faire. C'est vrai. Non mais ça dégoûte un peu, quoi. Ça peut rebuter. Eva a fait le 0870 42 48. Ça va, Eva? Salut le Ricocho! Salut Maëva, qu'est-ce que tu planques? Je suis content d'être avec vous. Oh, ça c'est gentil, ma chérie, ça fait trop plaisir, franchement. On est là jusqu'à 23h, on va kiffer, Eva. Raconte-moi, toi, ce que tu planques dans tes recherches internet. Oh là là! Oula. Pas mal de trucs, mais en fait, quand j'ai appelé parce que j'ai pensé à un truc que j'avais cherché une fois et que j'ai jamais avoué. Ouais, vas-y. En fait, j'étais de mariage et j'avais les ongles de pied super longs et bien sûr rien sous la main. Pas de coupe-ongles, pas de nîmes. Ouais. Et j'ai cherché sur internet comment se couper les ongles de pied sans coupe-ongles. Oh là là, c'est facile! Et alors? Oh, c'est horrible. Je suis tombée sur des trucs. Tu t'es rongé les ongles en direct. Non, t'as pris le couteau du gâteau de la mariée. C'est ça. Non, il était tellement long, j'aurais pu couper le gâteau avec mes ongles. Oh, c'est horrible. Oh le pied. Ne fais jamais ça, Sylvain serait sous la table à lécher. Ne t'y aventure jamais. Mais moi je sais que les recherches internet, Eva, c'est angoissant. Parce que moi, par exemple, dès qu'on a une petite partie rouge, hein, je vous dirai pas l'endroit, hein, vous allez regarder sur internet, vous ressortez, vous pensez que vous avez toutes les maladies du monde. Le tort, si vous avez un truc qui vous gratte au niveau du caleçon, si vous avez le tort d'aller regarder sur internet, derrière vous êtes mort pour la nuit. Et on peut le dire, on est tous allés sur Doctissimo, le collet tous ce site. Ah oui. Ah, je veux dire, dès que t'as un problème, on a tous le sida. Ah bah ouais. Non, mais il faut le dire, appelons un chat un chat. Dès qu'il y a un truc qui gratte, vous regardez sur internet, c'est le sida. C'est pour ça que c'est important de se protéger et de mettre le préservatif. Ah oui, attention. Très important. Non, moi, les pires recherches, c'est les femmes enceintes. Vous le savez peut-être pas, mais nous, quand on est enceinte, on est des parano, on écume tous les sites dès qu'on a le moindre problème sur les montées de lait, enfin, tous les trucs un peu tabous des femmes enceintes. La dernière recherche de Sarah, est-ce que quand on est enceinte, c'est trompé d'aller avec un autre? Le gosse pleure, hein, je vous le dis. Encore aujourd'hui, il s'en remet pas. Bisous, Maëva, on te fait un petit cadeau. Merci d'être passé. Et bravo. Allez, pour les pieds. Bisous. Bisous. Coupe-toi les ongles, Maëva. On t'offre un coupongle. Allez, les amis, on se fait l'appel police. Allez, on y va. J'appelle une maman pour lui dire que sa fille a vendu des objets coquins sous le manteau autour de Noël. Alors, c'est simple, si elle veut que sa fille sorte de garde à vue, elle doit s'accuser elle-même. Est-ce que ça va arriver? C'est ce qu'on va voir. Et puis, un beau-père va tenter un truc de ouf avec son fils. Franchement, c'est inédit. Wow. Vous allez kiffer. Le VTC de la peur arrive. La playlist suprême est de retour sur Énergie pour Noël. 50 000 euros à gagner sur Énergie. La playlist suprême Énergie, c'est Angèle, Marshmello, Big Flo et Oli, Marnik et Smack, 3 cafés gourmands. Cette playlist sera jouée sur Énergie une seule fois, dans cet ordre précis, aujourd'hui ou avant fin décembre. Soyez attentifs. Dès que vous l'entendez, appelez Énergie 3937 et gagnez la somme folle de 50 000 euros. Demain, 20h50 sur RMC Découverte. Ils sont de retour et la pédale les démange furieusement. Philippe et Bruce partent au Pérou pour un road trip complètement déjanté. Leur mission, retrouver Tone, perdu dans la vallée Inca. Top Gear France, road trip au Pérou, c'est demain, dès 20h50 sur RMC Découverte. Plus fort que la fiction, Canal 24. Mardi, il est arrivé un truc fou à Kevin. Il a été aspiré par un vaisseau extraterrestre. Si, si. Mais le plus fou, c'est que Kevin avait dans les mains une pizza large Domino's à 7,99€. Les mardis fous, toutes les pizzas, toutes les tailles sont à 7,99€. Free conseil à emporter hors signature, conditions et magasins participants sur dominos.fr. Partez à San Francisco pour la sortie du film Événement de Noël. Bumblebee avec Énergie. Écoutez Manu dans le 6-9 de 6h à 9h30 sur Énergie et partez sur les traces du héros le plus cool de la saga Transformers. C'est pour ça que tu es là, Happy. Bumblebee, le 26 décembre au cinéma avec Énergie. It's music only. Salut, c'est Coé. Toi qui, par chance, s'est fait piquer ses clés de voiture hier soir. Toi qui a parlé toute la soirée avec un lampadaire. Toi qui a dormi avec ta perruque fluo. Et toi qui est rentré entier ce soir-là. N'oublie jamais de remercier ton Sam, le conducteur désigné. Et pour lui montrer votre respect, tentez de gagner 2 places de concert Énergie pour vous et votre Sam. Partagez votre Sam expérience avec le hashtag Respect Sam Énergie. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Respect, Sam. Jeu jusqu'au 30 décembre 2018. Règlement sur énergie.fr. Everything's been so messed up here lately. Pretty sure he don't wanna be my baby. Oh, he don't love me, he don't love me, he don't love me, he don't love me, he don't love me, but that's okay. Cause I love me, I love me, I love me, I love myself anyway. Hey, everything's gonna be alright, everything's gonna be Rejoignez l'équipe au 0800 70 42 48. L'appel est gratuit. Le Rico Show, c'est votre émission sur Énergie. Eh oui, on est là de 20h à 23h du lundi au vendredi. C'est notre dernière semaine avant les vacances. Du coup, on est qu'amour et un beau-père a une déclaration à faire à son fils. C'est complètement ouf. Vous savez qu'on est très famille hein, à l'approche de Noël et on essaye d'être là pour vous, évidemment. Vous venez 0800 70 42 48. Toutes les news de la journée arrivent. On parlera des couples. J'ai beaucoup de choses à dire aux personnes qui sont en couple et à ceux qui comptent bien se mettre aussi en couple pour réfléchir deux fois. Vous allez voir. On va se faire aussi le VTC de la peur. Ce soir, Malik est une ordure terrible. Mais là, on se fait le canur. Massara, on va piéger la maman de Lily. C'est on ça. Va l'appeler pour lui dire que sa fille s'est faite choper tout simplement avec des objets coquins sous le manteau. Alors la question est simple, est-ce que ces objets appartiennent à la maman et dans ce cas-là, je libère la fille. C'est simple, elle a répondu qu'à ça. D'accord. C'est ça et c'est des objets spéciaux Noël, attention. Ah oui, hein. Oui, la coquinerie de Noël. On y va, c'est le canur. Tout le monde est en danger. C'est l'heure du canur, le canular du jour sur Énergie. Ça va Lily ? Ça va et toi ? Écoute, allez, on est en pleine forme. Est-ce que t'es prête à piéger ta mère ? Oui. Est-ce que ta mère va s'accuser à ta place, ma Lily ? J'espère. Écoute, on croise les doigts, on a des accessoires de dingue, on a de la boule de Noël vibrante, on a du fouet, on a de la guirlande Miché. Oh oui, on a de la tenue sexy de Mère Noël. C'est parti, on l'appelle et au besoin, tu interviens pour crédibiliser le fait que tu es actuellement garde à vue. Ah oui, ouais. Ah oui, oui, on a besoin d'elle pour relâcher sa fille. Elle doit s'accuser. On y va. Allô, allô, allô. Bonjour, je suis Monsieur Latour là du commissariat de Caen. Nous avons un souci là hein, avec votre fille. Hein. C'est quoi juste Alors rien de très grave. En fin de compte, elle avait en sa possession des objets qui semblent coquins hein, qu'elle essayait de vendre sous le manteau. Donc nous, c'était avec ses amis. Alors peut-être que c'est pour la blague, on ne sait pas. Toujours est-il qu'on est obligé de procéder à des vérifications. Donc actuellement, elle est avec nous. C'est pour ça qu'on vous appelle. Hein. Des objets coquins. Ouais, bon, c'est rien, c'est des petits fouets, des petites guirlandes, des petites choses un petit peu spéciales. D'accord. Si je vous appelle, c'est parce que elle a fait état que ces objets vous appartenaient à vous. Donc c'est pour ça que j'aimerais procéder à une vérification et être sûr que ces objets vous appartiennent. D'accord. Donc est-ce que ces objets qu'elle avait en sa possession vous appartiennent, madame ? Bah écoutez, moi, il faut que je voie les objets, je veux pas vous D'accord. dire... D'accord. Alors, hein ? Premièrement, j'ai une boule de Noël vibrante. Ouais, qui sert justement à se faire des... Non, du tout. Je vous le dis, de vous à moi, ça pourrait faciliter la procédure. Hein. D'accord. Hein, ça serait intéressant de faciliter la procédure pour qu'elle puisse s'en aller, pour que nous, on puisse bosser sur des dossiers un petit peu plus importants. Hein. Entièrement d'accord bon. Avec vous. Vous voulez que je vous passe votre fille ? Ah bah oui, alors. Ça allez, peut paraître un petit peu fou. Christine, tu me la sors ? Oui, je vais la chercher. Vas-y. Allez-y, c'est votre mère au téléphone. Maman, s'il te plaît, dis que c'est à toi, je t'en supplie, s'il te plaît, maman. Non, mais... J'ai merdé, s'il te plaît, mais j'avais besoin d'argent, je t'en supplie, maman, je t'en supplie. Vous continuerez vos petites conversations plus tard. Alors, on y va, madame, rapidement. Oui, on y... Non, bah oui. Qu'est-ce que vous faisiez alors, avec le fouet ? Le fouet. Avec le fouet, c'est pour, en fait, fouetter mon chien quand il est méchant. D'accord, très bien. Qu'est-ce que vous faisiez, du coup, avec la boule de Noël ? Là, on repart au début, allez-y. La boule de Noël, c'était pour m'amuser. Très bien. La tenue de Noël sexy, la mère Noël. Eh ben, c'est pour m'habiller. D'accord, vous habillez en tenue de Noël sexy, c'est ça ? Voilà, et voilà. Bon et appétit. Monsieur l'agent, ça vous plaît pas, vous, qu'une femme Hein, ah, ben bah moi, j'ai la cheminée qui démarre, hein, comme on dit, hein, vous inquiétez pas. Ah, bah voilà à quoi ça sert. Allez, ok, bah très bien, très bien. Bon, les menottes fourrées rouges. Mais j'aime bien attacher quand même mes conjoints, on dira. Très bien. Le DVD coquin, le Père Noël et sa grosse bûche. Bah, c'est pour m'exciter un petit peu. La guirlande, Miché comme un god, mais en guirlande. Bon, c'est comme la boule, hein, c'est pour. Hein. Très bien. L'extincteur d'orgasme. Eh ben, justement, hein, c'est pour éteindre le feu. Excusez-moi. Sérieux? Non, c'est une blague. Oh là là. Madame? Oui. Vous êtes en direct sur Énergie, c'est une blague! Piégé, je m'appelle Aymeric Baudry, mon surnom c'est Rico, vous êtes dans le Rico Show sur Énergie, 20h, 23h! Yeah. Bravo Lily! On vous aime très fort et Lily va bien, ne vous inquiétez pas. D'accord. Allez, on vous embrasse. Au revoir. Au revoir. Énorme. Quelle barre de rire, franchement. C'est un kiff d'être avec vous sur Énergie jusqu'à 23h. Les news arrivent et j'ai des choses à vous dire concernant les couples, les disputes, mais pas que. Ça vient de tomber et on fera un point sur certaines news, les amis. Il y a du nouveau. Allez voir, les péages gratuits là avec les gilets jaunes. Quand j'étais petit, je pensais qu'en louchant trop, je pouvais me bloquer les yeux. Que les cils sur mes joues avaient le pouvoir d'exaucer les vœux. Quand j'étais petit, je pensais que les adultes disaient toujours vrai. Et la nuit dans la voiture, je pensais que la lune me suivait. Mais depuis, qu'est-ce qui a changé ? Pas grand-chose. Je n'ai pas rangé les questions que je me pose. Qu'est-ce qui a changé ? Pas grand-chose. Que je me pose. On me disait, tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Mais on est plus tard et je comprends pas. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Mais on est plus tard et je comprends pas. Quand j'étais petit, j'entendais un monstre qui vivait sous ma maison. Je pensais mourir dans la lave si je marchais pas sur le passage piéton. À l'époque, des photos en noir et blanc, les gens vivaient sans couleur. J'étais sûr qu'un bisou de ma mère pouvait soigner la douleur. Mais depuis, qu'est-ce qui a changé ? Pas grand-chose. Je n'ai pas rangé les questions que je me pose. Qu'est-ce qui a changé ? Pas grand-chose. Je n'ai pas rangé les questions que je me pose. On me disait, tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard, tu comprendras plus tard, mais on est plus tard et je comprends pas. Tu comprendras plus tard, tu comprendras plus tard, tu comprendras plus tard, mais on est plus tard et je comprends pas. Aujourd'hui, en grattant un ticket, je me vois millionnaire. Je me dis, tout ira mieux si je souris à la banquière. Aujourd'hui, je me dis que si j'attends, quelqu'un fera ma vaisselle. Et que même si je vieillis, mes parents sont immortels. Qu'est-ce qui a changé ? Pas grand-chose. Je n'ai pas rangé les questions que je me pose. Qu'est-ce qui a changé ? Pas grand-chose. Je n'ai pas rangé les questions que je me pose. On me disait, tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard, mais on est plus tard et je comprends pas. Tu comprendras plus tard, tu comprendras plus tard, tu comprendras plus tard, mais on est plus tard et je comprends pas. Plus tard, plus tard. Lui aussi son JT. C'est les news de Rico sur Énergie. Eh oui, je vais vous parler de la peine du jour. Vous allez voir qu'un braconnier va s'en mordre les doigts. C'est énorme ce qui est tombé sur le coin de sa figure. Et puis là, on parle couple. Oui, c'est tombé aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses, notamment, les amis, se disputer avec votre partenaire. Vous maintiendrez en bonne santé. Allez-y, disputez-vous. C'est bon pour la santé. Sarah, t'as l'air en pleine forme. Ouais, je suis malade comme un chien plus en ce moment. C'est trop calme dans ton couple. C'est trop peut-être ça. Non, mais c'est vrai. Hein. Ils ont suivi pendant en fait 32 ans, 192 couples. C'est une vraie étude. Afin d'observer si la manière dont les amoureux se disputent avait un impact sur leur santé. Et oui, c'est bon, on a les artères qui bougent, on a le cœur qui tape, c'est nickel. Bah forcément, ça se finit au plumard tout ça. Ah oui, ah bah c'est ouais, ça. C'est ça, moi j'avais un pote qui se disputait avec sa meuf parce que c'était le seul moyen de lui faire l'amour. Derrière pour se réconcilier. Ce soir, Rico, je rentre, je m'embrouille, je la refous. D'entrée, c'est pas propre. Y'a pas à manger. Benjamin qui a fait le 0800 70 42 48. Ça va, Benji? Salut Rico, salut toute la team. Salut mon pote, ça donne envie de t'embrouiller ça, Benjamin, du coup. Mais c'est une excuse en or, c'est une excuse en or. Moi, c'est ce que je fais. Ah putain. Franchement, je m'embrouille avec ma meuf et puis derrière, tu te réconcilies sur l'oreiller. Il y a une expression qui a été inventée pour ça, donc il faut la suivre. Hein. Et Benjamin, c'est fort parce que maintenant, quand je vais voir une grand-mère ou une arrière-grand-mère qui est casse-couille et que je vais voir le pauvre vieux de 102 ans à côté, je... oula, t'as dû morcer, toi. Oh là là. Ça fait un siècle que tu l'as sur le dos, papa. Et le gars, il n'arrive même pas à partir. Plus on t'emmerde, plus tu restes. Tu sais, c'est horrible. Et d'ailleurs, dans les news spéciales couple, il y a un truc qui est tombé aussi, c'est la stat du jour. On reconnaîtrait l'homme de sa vie en 15 minutes. Alors, je m'adresse à vous, mesdames, puisque ça vous concerne. Arrêtez d'essayer a priori pendant des mois et des mois, savoir si c'est le bon. C'est peut-être le bon pour un an, deux ans, trois ans, mais pas pour sa vie. Et là, Sarah s'interroge. Non, arrête, pas du oui, tout. Toi qui as fait attendre un petit non, peu. Mais attends, oui, moi je l'ai fait attendre très longtemps, 8 mois, mais pas encore. Oh alors, je l'ai rencontré moi en boîte, j'étais un peu pompette, attention, c'est d'accord. Pas bien. Mais dans ces 15 minutes, dans ces 15 minutes, j'étais pas lucide, excuse-moi. C'est pas... Je peux pas reconnaître l'homme de ma vie en boîte en étant pompette. Ça sent le divorce. Benjamin, t'es en couple toi, mon Benjamin? Ouais, je suis en couple. Alors Benjamin, est-ce que t'as su tout de suite que c'était elle ou t'as mis un peu de temps? Bah, tout de suite dans les secondes, non. On peut pas tout de suite se le dire. Par contre, après derrière, nous, il y a un gros point commun. On avait les mêmes playlists. Ah ouais, c'est vrai. Ah, quand t'écoutes la même musique. Ouais, c'est ça. Et franchement, c'est un super bon point commun, que ce soit dans la voiture, à la maison, tout ça. T'as trouvé une meuf qui écoute Patrick Sébastien, c'est cool. C'est cool, Benjamin, c'est énorme, Sylvain. Non, mais à part le coup de foudre, je comprends pas, moi. Ouais. Moi, j'ai déjà pris un coup de taser, mais jamais été amoureux, quoi. Ouais, mais a priori, moi, pour l'instant, je vous le dis, avec toutes les nanas avec qui ça a foiré, j'ai pas su tout de suite. Je me suis pas dit dans les 15 minutes. Donc, si tu te le dis pas tout de suite, a priori, c'est que ça va durer peut-être un temps, mais pas toute la vie. Mais n'importe quoi. Moi, la meilleure technique pour savoir si un mec vous le gardez, que c'est l'homme de ta vie, moi, je l'ai poussé à bout. Je lui ai montré tous mes défauts. C'est dès ça, début. Bravo. Je bravo. Te jure. Ah, mais oh, tu as non, mais sur tous mes défauts. On va aller récupérer la petite cuillère, tous ces hommes-là. Qu'est-ce que tu vas nous faire, là? D'ailleurs, ils ont constitué une association. On les embrasse très fort. Allez, les amis, on en parle. Il y a beaucoup de choses aussi encore à suivre. La peine du jour, notamment. Vous allez voir qu'un braconnier a été sanctionné, mais fermement. Évidemment, c'est une vanne. Et puis, on fera un bilan sur la semaine dernière. C'est passé plein de choses, mais ça recule. Je vous en parle. You hold the line. When every one of them is giving up and giving in, tell me, in this house of mine, nothing ever comes without a consequence or cost, tell me, will the stars align? Will heaven step in, will it save us from our sin, will it? Cause this house of mine stands strong. That's the price you pay. Happening, looking through the glass, find the wrong within the past, knowing we are the youth, caught until it bleeds out of world without the peace, facing a bit of the truth. Fricot Show. 20h-23h. Vous allez délirer toute l'année avec Aymeric Bonnoy sur Énergie. Avant de retrouver le VTC et ce beau papa qui a une déclaration magnifique à faire à son fils, franchement, on en a les poils. Et comme tous les mardis, on aura des dossiers tabous, vous le savez. Mais là, la peine du jour, j'en ai parlé, c'est un braconnier qui a été condamné. À votre avis, il a braconné ce salopard. Il a tué des animaux qui étaient protégés. Et du coup, en fin de compte, il a eu une sanction. Laquelle ? JM. Je sais pas, se faire tirer dessus à son tour par un animal. Voilà. Non. Ils ont mis, on dit, mets-toi-y, mets-toi à 10 mètres. Ils ont filé un fusil à un lion. Bam. Il s'est vengé. Il s'est vengé. C'était une mascotte déguisée. Ça leur fait du bien, toi. Ben je suis d'accord. Sarah. À devenir vegan à vie. Ah ouais, c'est fort. Alors, t'as des gars qui sont déjà vegan, mais peut-être, hein, ils aiment pas forcément la viande, Sarah. Ah, mince. Le gazon. Oh là, l'autre, il enfonce du cours, il a besoin de sortir sa saucisse. Oh. Toi, t'en es une belle de viande. Hein. T'es une saucisse énorme. Non, mais je sais pas, travailler dans les eaux par exemple. Travailler dans les ? Dans les eaux. Ah, dans les eaux ? Bah oui. Les eaux de quoi ? Les eaux potables. Les eaux, tu connais les eaux de Toiry. Ah oui, d'accord, les eaux. Eaux de Toiry. Les eaux, j'ai cru l'eau. J'ai cru que le gars allait bosser à l'eau municipale. J'ai cru qu'il allait filtrer l'eau et tout. Sérieux, j'ai cru qu'il était piscinier, le gars. Dans les eaux, mais j'ai pas compris la personne, je ne la comprends plus. Hein. Moi non plus. Je vous le dis, j'en peux plus. Benjamin, mon petit poulet qui est avec nous, est-ce que tu as une idée, à ton avis, de quoi est fait la sanction du braconnier ? Eh ben, je pense, je sais pas, des travaux d'intérêt généraux, non, dans les eaux, ouais, comme il dit. Non. Dans les animaux. C'est bizarre, Benjamin, je le comprends. Ah ouais, désolé. Quand il dit dans les eaux. Alors effectivement, c'est pas du tout ça, mon Benji, mais c'est mieux que ça. Un braconnier condamné à regarder Bambi. Mais non. C'est pas génial. C'est un juge de l'État du Missouri. Ah oui, je te jure, à regarder Bambi. Ils lui ont dit, voilà, il faut que tu visionnes régulièrement Bambi, relatant la vie d'une petite biche, quoi, qu'on aime très fort, dont la mère est tuée par un chasseur. Oh. Et David Berry devra regarder le long métrage d'animation au moins une fois par mois durant sa peine d'un an de prison. Donc les gars vont arriver, ils vont lui dire, écoute, tu mates Bambi, c'est énorme. En plus, c'est con parce qu'on connaît la fin de Bambi. Hein. Ouais. Il n'y a pas de suspense. Il va pouvoir la raconter un long moment. Ah ouais. Mais je trouve ça pas mal. Mais c'est beau parce que Bambi, ça fait chialer. Mais tu sais ce qu'ils font aussi aux États-Unis pour les terroristes? Ouais. Il les condamne à écouter du Britney Spears, et je te jure, c'est vrai, pour qu'ils crachent leur information. C'est pas... En boucle du Britney dans une salle noire. Non. Je te jure, pour les faire craquer, en fait. C'est incroyable, je te jure. Il paraît qu'ils dansent comme des folles autour d'une chaise derrière. c'est tout ce qui sort. Et en France, c'est du Zeppéquinho. Ah et oui, tu parles direct. La chanson de Sarah, hein, qui a fait un bide total, hein, qu'on embrasse. Non, mais c'est vrai, c'est complètement ouf cette histoire, Sarah. Je savais pas. Non, mais oui, c'est ça. Et la pire condamnation pour moi en France qu'on pourrait faire, c'est écouter Sylvain lire un livre. Ah oui. Ah ouais. Ah mais ça a été fait, les gosses deviennent des criminels derrière quand ils écoutent ces histoires. Allez les amis, news suivante, le mauvais conseil du jour en parlant de Sylvain. Sachez que l'ex de Sylvain a frappé, elle a fait un sujet, Sylvain, ton ex, sur BFM TV. Arrête, ah bon, hein, Julien, si, l'ex de Sylvain fait parler d'elle et croyez-moi, je suis pas, mais alors pas jaloux du tout. Ah, je vous le dis, je suis pas jaloux. Oh l'histoire, je vous en parle. L'ex de Sylvain, sur BFM TV. Oh les neuneux. Tu vas souffrir, Sylvain. Je sais pas à quoi tu t'attendais. Avec moi, y'a pas d'histoire de c'est juste un ami. Ah, à qui tu veux faire avaler. Que ton corps ne dérange pas tes soi-disant amis. Mais t'inquiète pas, je ne doute pas de nous. Ensemble on est stylé. C'est pas une question de fidélité. Le problème ne vient pas de nous. Les hommes je les connais. J'ai moi-même été de l'autre côté. Oui j'ai fait du mal à je ne sais combien de femmes. Et j'ai peur que tu deviennes mon retour de flamme. Je te dis que j'ai fait du sale à je ne sais combien de femmes. Et j'ai peur que tu deviennes mon retour de flamme. Ma chérie tu es jolie. Avec un corps impoli. Les hommes sont sans pitié. Interdit de les approcher. Avec le temps tu embellis. T'es mieux que ça va l'hôtel. Il m'en veut pas de me méfier. Homme, femme, y'a pas d'amitié. Si je t'aime, je suis jaloux. Quand j'aime, je suis jaloux. Si je t'aime, je suis jaloux. Évidemment que je suis jaloux, ouais. Bébé, tu es le mien. T'es la femme de quelqu'un. Ce qui brille sur ta main veut dire que tu m'appartiens. Mon bébé, tu es le mien. T'es la femme de quelqu'un. Ce qui brille sur ta main veut dire que tu m'appartiens. Yeah. Je sais toujours pas à quoi tu t'attendais. Les hommes n'ont pas grandi dans la logique de devenir juste des amis. Je sais toujours pas à quoi tu t'attendais. Enlève-moi. moi tout de suite toutes ces bêtises de ton esprit, sois pas naïf. Non, méfie-toi de tout et de tout le monde, en commençant par le sexe opposé. Si je te dis méfie-toi de tout et de tout le monde, c'est que mon tour finira par arriver. Oui, j'ai fait du mal à je ne sais combien de femmes, et j'ai peur que tu deviennes mon retour de flamme. Je te dis que j'ai fait du sale à je ne sais combien de femmes, et j'ai peur que tu deviennes mon retour de flamme. Ma chérie, tu es jolie, avec un corps impoli. Les hommes sont sans pitié, interdit de les approcher. Avec le temps, tu embellis, t'es mieux que ça balotelli. M'en veux pas de me méfier, homme-femme, y'a pas d'amitié. Si je t'aime, je suis jaloux. Quand j'aime, je suis jaloux. Si je t'aime, je suis jaloux. Évidemment, je suis jaloux. Bébé, tu es le mien. T'es la femme de quelqu'un. Ce qui brille sur ta main veut dire que tu m'appartiens. Mon bébé, tu es le mien. T'es la femme de quelqu'un. Ce qui brille sur ta main veut dire que tu m'appartiens. Je suis jaloux, je suis jaloux. Ouh. Même si j'ai confiance en toi. Jusqu'à 23h avec vous, on a plein de choses à faire, une belle émission devant nous, on se régale, hein, c'est le kiff, d'autant que l'ex de Sylvain fait la une des journaux et de BFM TV. Alors Sylvain, c'est le tombeur neuneu de l'équipe, hein, je vous le dis, mais qui se ressemble, ça semble, hein, elle fait la une de BFM. D'ailleurs Benjamin, mon petit poulet, est-ce que t'aimes bien Sylvain, Benjamin? Bah ouais, carrément. Ah ça fait plaisir. Benjamin, est-ce que tu connais Kim Glow, star de la télé-réalité? Tu connais Benjamin? Moyen, ça ne parle pas trop. Alors c'est une rosta de télé-réalité. Ouais. Voilà, elle est bien pimpée, hein, je peux vous dire. Voilà. Et tout. Sylvain est sorti combien de mois avec elle? 6 mois à peu près. 6 mois. Depuis, elle essaie de s'en remettre. Hein. Et je vais te dire, j'ai lu un article sur BFM ce matin. Kim Glow est une influenceuse, notamment issue de la télé-réalité. Alors pas qu'elle, avec d'autres copains qui se mettent à faire des pubs sur les réseaux. T'as déjà vu là avec les trucs de thé. Voilà. Et a priori, elle est un petit peu épinglée parce qu'elle vendrait de la merde. Ah, avec d'autres stars de la télé-réalité, hein, je vous le dis. Ça fait débat, Sylvain. Du plastique, non? Ouais. Oui, puisque Sylvain nous a dit qu'il la recyclerait dans une poubelle jaune. Hein. Tellement elle est fournie de plastique, mais c'est une histoire complètement ouf. Ouais. Et a priori, elle essaye de se remettre de l'argent que Sylvain lui a pris. Donc elle est obligée de vendre à des gosses du thé à 100 balles qui en vaut un. Non, mais c'est ça, c'est une histoire de ouf. Il y a des montres à 15 euros. Ah, c'est une arnaque. Il y a des mondes à 15 euros où la promo au début affichée est à 165 euros et apparemment tous ces influenceurs se font épingler parce qu'ils vendent de la merde. Bien sûr, et la plupart, genre, vendent des crèmes mais qui n'ont même pas testé, qui n'ont même pas ouvert. Et quand, genre, ils les testent, on est habitué de ces produits. Ah je ouais. te jure, c'est de l'arnaque. Sylvain les a testés, il est devenu bleu. Ouais, j'avais des plaques et tout. C'est pas vrai. Ouais, parce que tu sais, elle avait plein de côtés, tu vois. Ouais. Ah ouais, tu me connais, hein. Ouais. Dès que je peux ramasser un petit peu. Et donc j'avais ramassé 2-3 crèmes qu'elle avait et tout. Ouais. Je te jure, j'avais des plaques rouges et tout. N'achetez pas ces conneries d'influenceurs. Ouais, c'était donc son cobaye. Elle est pas si bête que ça. Elle se servait lui pour tester les produits. Elle s'est dit, tiens, rat de laboratoire. Je l'ai, c'est complètement. En tout cas, on l'embrasse. Hein, c'est peut-être pas de sa faute. Elle essaye de se remettre du chagrin de Sylvain. Mais je voulais informer tous les copains du Rico Show pour vous dire vraiment que qui se ressemble, ça semble. Hein. Ouais, mais n'importe quoi. Bah, ah, tu la défends encore? Bah, c'est-à-dire quoi? Je suis neuneu avec elle. Ah, bah écoute. Pas qu'avec elle. Ensemble, alors. Va au zoo, file au zoo. Allez les amis, Malik est là, il va nous parler de son VTC. Ça va Malikus? Ho ho ho. Oh là là, ce soir Malik est Père Noël. Il va récupérer un client dans sa voiture et on va annoncer qu'il est recherché. Qu'est-ce que tu vas nous faire ce soir autour du Père Noël? Oh bah une dinguerie, hein. J'ai placardé plein de petites affiches avec mon numéro de téléphone pour que les enfants m'appellent. C'est surtaxé de 2 euros. Oh là là. Ah oui, ils vont m'appeler. C'est toi qui vas faire le petit enfant, je crois, même au téléphone. Écoute, impeccable. Ouais. Ah, il va montrer l'ordure qu'il est. Il y a pas mal mal de choses. Il va offrir un cadeau au client au départ. Il l'ouvrira à la fin. Et croyez-moi, c'est vraiment le clou du spectacle. Ce cadeau est magnifique. J'ai mis du temps à le faire, ce cadeau. D'accord. Je tiens juste à le dire. Vous allez voir ce que c'est comme cadeau, mais j'ai mis du temps à le faire. Je sais qu'au début, tu vas être le Père Noël le plus aimant de la planète. Ah oui, mais très gentil. Hein. Je vais lui offrir un petit cadeau. On va discuter. J'ai même écrit des petites comptines. D'accord. Ouais, oula, petites comptines. Ça va chanter. Ah, ça va chanter. Hein. Bah, le petit chant de Noël. Très bien, et je vous rappelle qu'à la fin, il allume la radio, on l'annonce recherché, ça va être énorme, c'est le VTC de la peur, et puis on aura aussi un papa qui va tenter quelque chose de fou, une vraie déclaration. Je vous jure, j'en ai les frissons auprès de son fils, ça va être énorme. Benjamin, je te fais un gros bisou, merci d'être passé mon poulet. Gros bisous, toute l'équipe, bisous, bisous. Bisous, on t'aime mon Belgien, on va te faire un petit cadeau, bisous les Lyonnais aussi, puisqu'il vient de Lyon. Les amis, on y va, on fait le VTC. Yes. Allez, c'est parti. Tous les matins, c'est Manu dans le 6-9 sur Énergie. Anna, bonjour. Salut Manu, salut l'équipe. Qu'est-ce que tu aimes, mais t'as un peu honte de le dire. J'aime bien l'odeur du crottin de cheval dans les fermes. Oula. T'aimes bien l'odeur de la ferme ou vraiment spécifiquement l'odeur du crottin de cheval? Je préfère celle du crottin de cheval, mais l'odeur de la ferme, j'aime bien aussi. D'accord. Ah, ouais. Ah oui. Ouais. Très très bien. Après, à ne pas mettre en parfum ambiant chez soi, quoi. Non, bah, c'est alors, compliqué. Alors, chez Anna, il n'y a pas de bougie, mais il y a deux poneys. Manu dans le 6-9. Money, money. 6h, 9h30 sur Énergie. Salut, c'est Sarah Lopez. Retrouvez-moi dans la Villa des Cœurs Brisés. Incapable d'avancer dans notre vie amoureuse, on a été coaché par Lucie afin de régler notre problématique. Coup de cœur, déception et véritables amitiés. Suivez notre aventure hors du commun. La Villa des Cœurs Brisés, du lundi au vendredi à 18h35 sur TFX. Mardi, il est arrivé un truc fou à Kevin. Il a été aspiré par un vaisseau extraterrestre. Si, si. Mais le plus fou, c'est que Kevin avait dans les mains une pizza large Domino's à 7,99€. Les mardis fous, toutes les pizzas, toutes les tailles sont à 7,99€. Prix conseillé à emporter hors signature, conditions et magasins participants sur dominos.fr. Gagnez toute la journée votre compil Énergie Hit 2019. Tous les plus gros hits sont réunis sur 3 CD avec en exclu Tadjo, David Guetta et Anne-Marie, Amir, DJ Girac, Soprano, Sia, Shawn Mendes, Claudio Capeo, Vitae Slimane, Dua Lipa, Maître Gims, Dinoro et Gigi D'Agostino, Big Flo et Oli. La compil Énergie Hit 2019, vendredi dans les bacs. Salut, c'est Manu. Toi qui l'as conduit qu'à l'aller. Toi qui as dansé toute la nuit avec un serre-tête licorne debout sur le bar. Toi qui a chanté très fort, très longtemps et très très faux dans la voiture, mais toi qui es rentré entier ce soir-là, n'oublie jamais de remercier ton Sam, le conducteur désigné, parce que vraiment, tu chantais très faux. Et pour lui montrer votre respect, tentez de gagner 2 places de concert Énergie pour vous et votre Sam. Partagez votre Sam expérience avec le hashtag Respect Sam Énergie. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Respect Sam. Jeu jusqu'au 30 décembre 2018, règlement sur énergie.fr. Il s'apprête à fêter le nouvel an avec vous pendant plus de 10 heures en direct sur Énergie pour un moment magique et unique qui s'annonce inoubliable. Alors notez ce qui va suivre pour assister à l'événement de cette fin d'année le 31 décembre, ici même à Paris, dans les locaux d'Énergie. Ricochot, public avec un C à gmail.com ou vous appelez 0870 70 42 48 Ricochot, public à gmail.com. Des cadeaux pour tout le monde, de la bouffe, on va s'empiffrer, on va se régaler. Une soirée complètement folle, soyez là les amis. Et puis je vous offre un cadeau tout de suite parce que c'est Noël, on se fait une patachote. Ouais. Le temps que Malik puisse s'installer, c'est un petit quiz les amis. Alors vous appelez 0870 70 42 48, appel gratuit. Et puis Malik est une ordure. Ce soir, on va se régaler dans ce VTC complètement ouf. it everything, want it everything. Stay up on their eyes, stay up on their eyes, never come down. Oh, stay up on their eyes, stay up on their eyes, never come down. Mama said, don't give up, it's a little complicated. All tied up, no more love. Vous êtes client d'un VTC. Et là, flash info à la radio. Vous apprenez que votre chauffeur est un criminel qui cherche à vous kidnapper. Ça fait flipper, non? C'est le VTC de la peur. Et c'est maintenant sur Énergie. Eh oui, les amis, Malik est là avec son client. Ça va, mon Malik? Ouais, j'ai un client dans 2 minutes. Oh là là. Putain d'ordure. Très bien. Je suis le Père Noël. Reste toi-même. Il est en forme. Le Père Noël est une ordure ce soir. Il va allumer la radio. On l'annoncera à rechercher. Ça va être ouf. Le temps qu'il récupère son client, vous pouvez tous gagner un cadeau. Vous avez fait le 0870-42-48. La patate chaude arrive. Oui, un cadeau. J'ai l'addiction de Sylvain. Merci, ça. Ne pardonnez rien ce soir. Ça va, Greg? Ouais, salut Rico. Salut l'équipe. Salut. Tu choisis qui, Greg? Ah, moi, c'est Sylvain, le tombeur. Oh, très bien, mon Greg. Chiant. Salut, Anaïs. Tu choisis qui, Anaïs? Salut, moi, c'est JM. Ah, très bien. Merci. Salut, mon Gilou. Tu choisis qui, mon Gilou? Salut, mais moi, ça va. Ouais. Très bien. Oh là là, il est convaincu. Il est un petit peu déçu. Attention, on démarre la patate chaude. Comment commencer par moi? Sylvain, t'as démarré hier. Attention, c'est parti. Top à la patate chaude. Sylvain, quel programme télévisé a révélé les chanteuses Jennifer Nolwenn Leroy et Elodie Frégé? À la Starac. Bonne réponse. Je vous rappelle qu'il se passe la patate chaude de main en main. Le but, la passer avant qu'elle explose. À quelle partie du vêtement le nom de Mao est-il généralement associé? Mao, un col. Bonne réponse. Attention, JM, quelle comédienne incarne à l'écran Joséphine Ange Gardien? Mimi Mati. Bonne réponse. Attention, Sylvain, de quel animal de basse-cour dit-on qu'il cancane lorsqu'il crie? Le canard. Bonne réponse. Attention, Sarah, quand on s'entraide, on dit aussi qu'on se serre les... coudes. Bonne réponse, ou les couilles. Combien y a-t-il de millimètres dans 5 cm, JM? 50. Bonne réponse. Attention, Sylvain, quel est le nom de Flibuster incarné par Johnny Depp dans la saga cinématographique Pirates des Caraïbes? Jack Sparrow. Bonne réponse. Sarah, selon l'expression, à quelle heure va-t-on chercher midi lorsqu'on complique inutilement les choses? On cherche midi à 14h. Bonne réponse. Attention, JM, quels animaux sont employés dans une brigade cynophile? Je sais pas. Quel chiffre doit-on multiplier par lui-même pour obtenir 64? 8. Ah, j'ai accéléré la deuxième. Ça dégage. J'ai accéléré, mais je crois que la patate chaude a duré un peu plus longtemps que prévu. Hein. Ah bon? Je vous le dis, oui, elle a duré une minute. Une minute, donc vous aviez un peu plus de temps. JM, c'est perdu. Je suis désolé, Anaïs, c'est perdu. On va te faire un petit cadeau, ma Anaïs. Il a la rage. Ok, ma chérie. Elle est partie, merci. Elle est dégoûtée. Oh, non. C'est ça, tu veux dire. Anaïs, on va te faire un petit cadeau. Je suis désolé, ma petite poulette. Ouais. Allez, c'est parti avant de retrouver Malik qui piétine dans son VTC. C'est la grande finale. Greg pour Sylvain, Gilles pour ça. Yes. Allez, on est chaud. Allez, c'est parti. Attention. Oh là là, ils sont chauds. Hein. Ils sont chauds. C'est parti. Top à la patate chaude. C'est parti. Attention, Sarah, selon l'expression, si vous avez été dupé dans une affaire, vous êtes le dindon de la farce. Bonne réponse. Attention, Sylvain, quel acteur britannique incarne Harry Potter au cinéma? L'acteur, je sais pas, moi je comme je passe. Daniel Radcliffe. Quel est le nom du doigt de la main que porte qui porte traditionnellement l'anneau de mariage? L'auriculaire. L'annulaire. Merci Sylvain. L'auriculaire. Fou ce mec. Quel personnage interprète par Jean Dujardin pratique l'art du cassage et aime à répéter je t'ai cassé. Merci. Bryce the Nice. Bonne réponse. Attention, Sarah, à quel chanteur doit-on les tubes Les Jolies Colonies de Vacances? Oh, je sais. Oh là là. Sorti en 66. C'est pas Michel Fugain? Pierre Perret. Okay. Comment appelle-t-on les habitants de Reims, Sarah? Les Rénois. Les Rémois. Mauvaise réponse. C'est mélange des Rennais et des. Allez. Quel âge minimal faut-il avoir pour concourir au titre de Miss France? 18 ans. Bonne réponse. Sylvain, qu'ajoute-t-on à un croque-monsieur pour en faire un croque-madame? Un œuf. Bonne réponse, Sarah. Combien de cordes de ukulélé traditionnel comporte-t-il? 3. Non, 4. Ah, quel est... Oh, wow, c'est perdu. C'est perdu, non. Sarah. Et c'est Greg qui l'emporte. Oui. c'est gagné. Merci Sylvain. Eh ouais frérot, c'est comme ça que ça se passe. Eh oui, c'est comme ça, JM. C'est ouf, c'est toujours le mec qui part qui gagne. Ce soir c'est Sylvain, c'était moi. Eh oui, c'est comme ça, c'est comme ça. Bravo, bravo en tout cas, mon Greg, c'est gagné. Et Gilles, je te fais un petit cadeau, mon Gilou d'amour. Bah mais c'est gentil, désolé. C'est dommage, deux fois d'affilée, ça va. Oh là là. Elle arrête pas de perdre, c'est vrai qu'elle ne cesse de perdre. On vous embrasse les amis, merci, merci d'être là. N'hésitez pas à appeler 0870 40 48, vous êtes les bienvenus, c'est le VTC de la peur. Eh oui, Malik est très chaud. Et ce soir, il est une ordure, puisqu'il est le Père Noël chelou. Il m'a dit t'es où, je te rejoins en telle. Moi je m'en bats les reins, j'ai besoin d'un vrai job. Il a vu mes copines, je crois qu'il a flashé. Je suis pas ton plan bête, à ma tête fessée. Je réponds à tes appels, tu crois que je vais la fesser. Moi je m'en bats les reins, j'ai besoin d'un vrai job. Trop tard, trop tard, je suis trop loin pour toi. Trop tard, trop tard, je suis trop loin pour toi. Et la plus bonne, bonne, bonne de mes copines. Oh mes copines, oh mes copines. Mais tu veux la plus bonne, bonne, bonne de mes copines. Oh mes copines, oh mes copines. Je veux que bon. Chaud ce soir puisqu'il est une ordure de Père Noël. Vous allez le voir, mais ça le client va pas s'en douter tout de suite. Il allumera la radio, on l'annoncera recherché. Vous allez voir qu'il a des méfaits à son actif et qu'il faut absolument le stopper. C'est une supercherie immense. C'est le VTC de la peur. Derrière, on aura un papa qui va tenter une annonce complètement folle à son fils. En fait, c'est un beau père. Je vous expliquerai. C'est hyper touchant, franchement. J'en ai les frissons rien que d'en parler. Non, mais c'est pas des vannes. On se fera aussi les dossiers tabous comme tous les mardis. On parlera cucu, mais on sera coquin, mais correct. C'est la devise de l'émission. On se connecte avec Malik, déjà 2-3 minutes qu'il est avec son client et ça bavasse. Expression du 18e. Se connecte. Tu as 21 ans, Julien? C'est super, 21 ans. J'espère que tu as été sage cette année, Julien. Non. T'as été sage? D'accord. Est-ce que tu as bien pris ton biberon? Non. Ouais, ça fait longtemps, mais ouais. Ah ouais? D'accord, Julien. Tes parents sont... Tu es gentil avec eux? Ouais, très gentil. Ouais. C'est super. Eh bien, tiens, Julien, j'ai un cadeau pour toi. Voilà. Tu vas prendre ce cadeau avec toi. Et voilà, c'est offert par la maison. Par contre, tu l'ouvriras à la fin de la course. En fait, Malik, il est Père Noël dans les centres commerciaux. Et là, c'est sa première course, il n'a pas débranché. Il prend son client comme les enfants qu'il a mis sur les genoux toute la journée. Vous allez voir que jusque-là, c'est mignon. Ouais. Sauf qu'il va se transformer en ordure. On se connecte. Okay. Ouais, toute la journée, je vois les enfants à Carrefour, machin, ils viennent me voir et ils disent Papa Noël, on peut avoir un cadeau, Papa Noël. Et moi, je leur donne, parce que moi, je donne du bonheur. Moi, je donne du bonheur. Oh, c'est beau. Et j'ai envie de donner du bonheur à mes clients. Tu vois? D'accord. Alors Julien, je te fais l'honneur d'avoir ce cadeau-là. Et, attention, hein, c'est fragile. C'est fragile, Julien. Attention, hein. Tu le mets à côté de toi. Tu fais attention, d'accord. On va commencer à rouler tranquillement, hein. Hein, bah oui. Et si tu lui dis pas qu'il faut qu'il ouvre avant la fin de la course, on est mal. Tu l'ouvres à la fin. Hein. Tu l'ouvres pas tout de suite. Hein. Il est con. Okay, moi, je l'ouvre le cadeau. Direct. Le laisse. Je sais que t'es curieux, Julien. Je sais que t'es curieux. Vous allez voir que dans ce cadeau, les amis, il y a un délire de dingue. Il y a un délire de dingue, mais on va attendre qu'il soit devenu une vraie ordure avant de l'ouvrir. Parce que le cadeau est une ordure en lui-même. Un vraiment petit indice. On se reconnecte avec Malik qui a accueilli son client dans le VTC. J'ai écrit des petites comptines de Père Noël que j'ai chantées toute l'après-midi à Carrefour. Et j'aimerais savoir ce que t'en penses. D'accord ? D'accord, bah je vais te les chanter tout doucement. J'ai chanté toute l'après-midi. Et les enfants, ils sont comme des dingues sur ces chansons. J'ai peur des chansons. Petit caca Noël. Oh non ! T'auras rien, juste un coup de pelle. T'es moche, t'as rien dans les ballons. N'oublie pas de remplir ma sacoche de pognon. Oh non. Ah, les gosses, ils étaient comme des malades. J'adore les chansons. J'en ai encore une. Ah, celle-là, il y avait un petit enfant qui était. Il s'appelait pas Julien, il s'appelait Célestin. Célestin, il adorait cette chanson. Toute la journée, je vais chanter. Et il avait une petite tête de con, si je peux me permettre. Il avait 7 ans. Je lui disais, vive le con d'hiver. Boule de graisse et boule de puée, retourne cette année. Je sens bien ce VTC qui est énorme, les amis. On est là jusqu'à 23h. On va annoncer Malik recherché. Jusque là, c'est mignon. Ouais. Maintenant, vous allez voir l'ordure de Père Noël. Qu'il est. Et j'ai hâte qu'il ouvre ce petit cadeau offert. Et là, flash info à la radio. Vous apprenez que votre chauffeur est un criminel qui cherche à vous kidnapper. Ça fait flipper, non ? C'est le VTC de la peur et c'est maintenant sur Énergie. Ouais, les amis, pour l'instant, on se marre, c'est vrai. L'esprit de Noël est là. Malik sort du centre commercial déguisé en Père Noël. Il a pas débranché. Il s'en amuse avec son client avant d'allumer la radio et d'annoncer qu'il est recherché. Vous allez voir qu'il va devenir une ordure petit à petit. Et ça commence tout de suite. Top Malik, top à l'ordure. On se connecte dans le VTC. Pour Noël. Mais non, tu vas pas me dire ça. Pour Noël, t'as rien commandé. Bah, arrête tes balivernes, Julien. Hein ? C'est trop vieux ? Je vais te dire, moi, ce que t'as commandé, parce que j'ai la lettre. Oh non. J'ai la lettre que t'as faite au Père Noël. Oh le bâtard. Mais je te jure que je l'ai. Attends, je vais voir dans la boîte à gants si elle est encore là, parce que c'est un bordel. J'ai la lettre de tous les enfants de cet après-midi. Bah, celui-là, il voulait des capotes, mais il avait 7 ans. Il est con. Oh non. Oh, c'est pas vous. Il me demande des choses farfelues, les gosses, des fois. C'est pas vous. Pas dire, hein. Bon, alors apparemment, sur ta lettre, tu aurais demandé une brosse à dents électrique. En même temps, fais voir ta gueule. Souris pour voir. Ah ouais, on l'entend pas. Ah ouais, ouais. Ah ouais. Hein? Pas très cool. Comment ça, c'est pas très cool? Bah, c'est pas très cool. Ah non, non, mais oui, c'est ce que tu as demandé, hein, apparemment. Hein. Attends, attends, mais tu as demandé autre chose. Tu as demandé une crème pour les hémorroïdes. Oh là là. Ouh là là, ça grouille du cul. Oh non, hein? Non, non, non. Hein? Ça fume là-bas dedans? Non, pas trop, ça va. Vous pas trop, on ça entend va pas, Malik. Hein? On entend pas bien. Timide, toi. Hein? Hein? Non, ça va, je suis pas trop timide. T'es pas trop timide? Non, non, c'est cool. Ah ouais? Tu peux t'exprimer, hein, tu peux me parler, hein, je vais pas manger. Tu m'étonnes. J'ai pas bien. Ah non, je sais vraiment ce qu'il te faut, toi, en fait. Et toi, ah c'est bon, je sais le cadeau idéal pour toi. Je le connais. Ouais. Ouais. Une place au Père Lachaise. Oh, c'est horrible, c'est un cimetière, ouais, on rappelle. Il te faut une place au Père Lachaise, à toi. Au Père Lachaise. Hein? Pourquoi au Père Lachaise? Je t'ai pas demandé de poser de questions. Je pense qu'il te faut une place au Père Lachaise, c'est tout. Pourquoi tu te fais? Mets deux, trois coups de pelle. Je jette là-bas dedans. Non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non. Je rigole. Je fais ça aux enfants des fois. J'ai dit qu'il allait l'enterrer. Les enfants, ils me disent comme toi, c'est quoi le Père Lachaise? C'est quoi le Père? Je dis, tu sauras plus tard. En parlant des enfants, en parlant des enfants, et dis-toi, regarde, j'ai placardé ma gueule en photo avec ma barbe dans tout Paris et j'ai mis un numéro vert. Et les enfants, ils peuvent m'appeler. Je les fais payer 2 euros. 2 euros de taxes. Et ils m'appellent, tiens, là, rigolo, hein. Ils m'appellent quand leurs parents ils dorment la plupart du temps. Parce que les parents ils veulent pas qu'ils appellent, c'est surtaxé. Du coup ils arrêtent pas de m'appeler, ils me disent papa Noël on peut. Et moi t'as vu que je suis gentil, je les aide les gosses. Hein. Hein, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, bah je trouve que c'est bien, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée, hein. Ah, t'es un génie toi, je sens que t'es comme moi. Regarde, mais d'ailleurs j'ai pas reçu d'appel aujourd'hui. J'espère que je vais en recevoir. Non. Un petit là. Non. Un petit appel, non? Tu veux que je t'appelle? Moi, j'ai rien. Mais oui. Tu veux que je t'appelle? Alerte! C'est ça? Je vais t'appeler, Malik. Oh, énorme. J'ai rien reçu aujourd'hui. Il a c'est très bizarre. Hein. T'as vu des abdominaux? En fait, les mômes, ils attendent que les parents ils dorment. Ring! Quoi, ça appelle? Ring! C'est un vieux téléphone. Ça m'appelle. Ah, ça m'appelle là. Allô, Papa Noël. Allô, mon enfant. Bonjour, Papa Noël. Ça va, mon chéri? Ça va et toi, Père Noël? Oui, ça va très bien. Comment tu t'appelles? Georges. Tu t'appelles Georges? Oui. Et pourquoi? Parce que c'est comme mes parents, ils ont fait les cons. Ils sont très marrants, les enfants. Vous avez entendu? Vous avez entendu comme ils sont marrants, les enfants? Alors, Georges, dis-moi, qu'est-ce que tu veux pour Noël? Je veux un tracteur. Attends, Georges, s'il te plaît. Je te mets en attente 2 secondes, je te reprends. D'accord? Qu'est-ce qu'ils sont cons, les gosses. Oh, je te jure. Oh là là, tu l'as entendu le môme? Il s'appelle Georges. Non mais la gueule des parents qu'il doit avoir. C'est sympa, Georges. Là, je demande attente. Si c'est la mode. Mais il est en train de rincer, là. Il est en train de rincer, le môme. Ouais, là, il est en train de lui dire que, hein, en mettant en attente, il raque. Bah, surtaxé. Tu lui prends sa thune comme ça? Comment ça, je lui prends sa thune? Bah, tu surtaxé ton appel, non? Mais j'ai placardé tout ça dans le 16e, c'est des enfants d'Ahu. Ouais, mon gars. Oh, c'est ce que je fais. Pas top, hein, ce que tu fais. Comment ça, tu trouves pas ça top? Bah, je sais pas. Et le môme, il est en train d'attendre, ce guignol. Regarde, il croit que tu veux lui offrir un tracteur, mais franchement, regarde, je vais le reprendre. Mon petit! Et Père Noël. Ça va, mon chéri? Oui. Alors, tu veux un tracteur? Oui. Attends, je te mets en attente. Il y aura une petite musique d'attente. D'accord. Tintintintin. Vous êtes en attente chez le Père Noël. J'en peux plus de ce gars. J'en peux plus de ce gars. Il passe définitivement pour un bâtard, les amis. On va allumer la radio. On va l'annoncer, rechercher. C'est là. C'est maintenant. C'est sur NRJ. Croyez-moi que le client va partir en vrille. Parce que le flash info, il est ouf, ça. Hein, ah, ça va être énorme. Il va y avoir de tout. Vous allez voir. On se le fait. Allez, on se le fait. On y va. Et puis après, on aide aussi le beau papa. Hein. Ah, oui, ah oui, oui. Parce que le beau papa, il a une annonce terrible à faire à son fils. Les amis, on se fait ça. La playlist suprême est de retour sur Énergie pour Noël. 50 000 euros à gagner sur Énergie. La playlist suprême Énergie, c'est Angèle, Marshmello, Big Flo et Oli, Marnik et Smack, 3 cafés gourmands. Cette playlist sera jouée sur Énergie une seule fois, dans cet ordre précis, aujourd'hui ou avant fin décembre. Soyez attentifs. Dès que vous l'entendez, appelez Énergie 3937 et gagnez la somme folle de 50 000 euros. Leclerc. Chérie, mercredi 19 décembre chez Leclerc. 50% de tickets Leclerc sur toutes les piles. 50% de tickets Leclerc? Parfaitement. Et à la veille de Noël, avec les cadeaux en tout genre et les jouets en particulier, on a vraiment besoin de piles. Ah, j'avais pas pensé à ça. Chez Leclerc, nous défendons aussi vos comptes de Noël. Le 19 décembre, bénéficiez de 50% de tickets Leclerc sur toutes les piles. Voir modalités et magasins participants sur www.e.leclerc. Le 19 décembre, c'est l'occasion d'acheter des piles chez Leclerc. Pile poil. Pardon. Mardi, il est arrivé un truc fou à Jeanne et Alice. Elles ont vu un ptérodactyle se poser sur leur balcon. Ouais. Mais le plus fou, c'est qu'elles mangeaient des pizzas larges Domino's à 7,99€. Les mardis fous, toutes les pizzas, toutes les tailles sont à 7,99€. Prix conseillé à emporter hors signature, conditions et magasins participants sur dominos.fr. Leclerc. Chérie, je regarde le menu du traiteur Leclerc là. On prend bien une bûche pour les fêtes. Bah évidemment. Ok, je vais nous commander une bûche Giandugia noire. C'est bien ça. Une quoi? Une bûche Giandugia noire. La rencontre entre des noisettes torréfiées et un chocolat noir 73%, c'est le top. Pour des fêtes réussies, profitez du service traiteur Leclerc. La bûche Giandugia noire de 550 grammes est à 10,90€, soit 19,82€ le kilo. Commande en magasin et sur www.traiteur.leclerc. Je commande, je retire en magasin et je fais un carton au dessert. Pour votre santé, évitez de grignoter. Énergie, Hit Music Only. Avec Rita Ora en concert. This is Rita Ora. Ma radio, c'est Energy. Ne ratez pas le concert événement de Rita Ora le 2 mai au Bataclan. Infos et réservations energy.fr, livenation.fr et point de vente officiel. Rita Ora en concert. Un événement Energy. Salut, c'est Coé. Toi qui, par chance, s'est fait piquer ses clés de voiture hier soir. Toi qui a parlé toute la soirée avec un lampadaire. Toi qui a dormi avec ta perruque fluo. Et toi qui est rentré entier ce soir-là. N'oublie jamais de remercier ton Sam, le conducteur désigné. Et pour lui montrer votre respect, tentez de gagner 2 places de concert Énergie pour vous et votre Sam. Partagez votre Sam expérience avec le hashtag Respect Sam Énergie. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Respect, Sam. Jeu jusqu'au 30 décembre 2018. Règlement sur énergie.fr. She was your light and she had your heart. The moment you saw her, she was the one. You were just a kid and never felt the heat. First love is deep when you don't expect it. For the first time in your life, you loved so much, you could die. soir, le maître est de retour. Le champion du monde de la catégorie VTC reprend son volant. Malik, le chauffeur le plus terrifiant, va vous faire trembler de peur. Eh oui, vous êtes sur Énergie, on est là du lundi au vendredi, 20h, 23h. Un beau papa va faire une déclaration magnifique à son fils à l'approche de Noël. Ouais. Il a choisi Énergie pour une raison très précise. Restez bien avec nous, on va se régaler. Il y aura la battle de séduction, Sylvain contre moi. Mais c'est la fin du VTC de la peur. Malik est un père Noël, mais vraiment des plus horribles. Il est une ordure comme on n'en fait pas deux. Et vous allez voir qu'il va enfin demander au client d'ouvrir le cadeau qu'il lui a offert en début de course. Oh. Il va avoir une surprise, mais pas la plus grosse, puisque derrière, on l'annonce. On sera recherché à la radio, c'est maintenant, on se connecte dans le VTC. Ouais, parce qu'en fait, je t'explique qu'en fait, le cadeau que je t'ai offert là, eh ben, je l'ai offert à aucun client. Ouais. Ouais, je te jure que celui-là, eh ben, il était spécialement pour le dernier client de la soirée. Ah ouais. Je compte rentrer après toi, hein, du coup. Ça promet. Ouais, il ouvre et flash. Alors, franchement, le cadeau, on n'a pas le droit de dire les prix. Mais celui-là, il vaut cher. Okay, bah celui-là, il vaut cher. Tu peux l'ouvrir si tu veux. Ah ouais, je peux ouvrir maintenant, c'est bon? Ouais, vas-y, ouvre-le si tu veux maintenant, ça me fait plaisir. Ah, déballe bien là, sur le côté parce que j'ai bien emballé parce que. Ouais, déballe bien. Là, ici, à ce niveau-là. Là, on enlève bien le truc. C'est quoi ça? Ah ouais. C'est de la merde, frérot, t'es sérieux? Oh, non. Mais c'est dégueulasse, putain! Oh, ça doit puer! C'est du cas. Oh. Une merde de chien fraîche. Joyeux Noël! Joyeux Noël! Celle-là, c'est celle de 8h après les chocs à pique. Oh non! Oh, c'est la sienne! Oh non! Je comprends mieux sa chanson, petit caca noir. Ah oui! Il y avait des indices! Eh oui, bravo! Suis. Bravo! Tu t'en es mis dans les mains? Tu t'en es mis dans les mains? Non! Laisse-moi tranquille! Oui, ferme ta gueule, c'est pas très gentil. Imagine, tu fais ça. Moi, je le balance à la gueule. Allez, Malik, paie la musique. On va le détendre. Non, pas trop, non. Hein? Pas trop, non. Malik va lui proposer la musique, les amis. On va l'annoncer, rechercher. C'est le grand moment. Comment va-t-il réagir? C'est juste ouf ce qui est en train de se passer. Malik, c'est quand tu veux. T'allumes. Moi, j'interromps la zik et on fait un flash info. D'interrompre la musique sur Énergie, il se passe quelque chose de très grave dans la capitale. Un chauffeur VTC serait recherché. D'ailleurs, Sarah Cadour, notre journaliste, est avec nous. Et oui, bonsoir, alerte sur la capitale. Celui qu'on appelle le Père Noël sanguinaire serait sur le point de faire une nouvelle victime à bord de son véhicule Citroën noir. Le forcené s'appelle Malik et se sert de sa couverture de faux chauffeur VTC pour kidnapper ses clients après les avoir amadoués avec son déguisement de Père Noël. Tantôt gentil, tantôt ordure, il déstabiliserait ses clients dans le but de les diriger dans sa planque grâce à un cadeau surprise rempli d'excréments. Si vous le croisez, fuyez immédiatement. Son but, kidnapper sa victime et son client. Du coup, les amis, on repart en musique sur Énergie. Il a coupé la radio, la réaction du client qui sait qu'à présent, Malik est recherché. On écoute. T'as dit quoi? Tu peux me déposer juste là, s'il te plaît, rapidement. Rapidement en plus, tu me donnes des ordres. Ça c'est faux calme ça, je connais. Non ça. Mais juste comme ça. Oula. C'est bon, tranquille. Eh hey, manque de vitesse lui. Ça va découper. T'as dit quoi là? J'ai dit je rentre chez moi, je suis un peu fatigué. Je te dépose juste là et c'est bon. Le mec, t'as cru que t'allais rentrer chez toi en fait? ouais. Ah t'as cru que t'allais rentrer chez toi? Tu te rappelles pas tout à l'heure ce que je t'ai dit sur le Père Lachaise? Non mais c'est une blague ça. Oh, sûr que ça va? Oh, il y a un western. Il y a un western. Qui va dégainer en premier? Là, tu veux que je te dépose là? Là, t'es en train de me donner un ordre. Non, non, juste te demande. Non, tu me donnes un ordre là. Non, non, je te demande juste gentiment, tu peux juste me déposer juste là. Ouais, bah dis s'il te plaît, je suis pas. Je suis qui moi? Je suis le Père Noël moi? Non, enfin oui. Bah tu sais pas? Bah non, je sais pas frérot, juste dépose-moi juste. Non mais dis-moi, je suis le Père Noël moi. Ouais, t'es le Père Noël, c'est pas moi. Non mais tu dis oui ou non, je suis le Père Noël. Oui, oui, t'es le Père Noël. Eh ben non, je suis pas le Père Noël. Je suis le Père Fouettard. Dépose-moi là, je veux pas d'embrouille. Comment ça, tu veux pas d'embrouille? Je veux pas de problème. Allez, bah lui, dis que c'est une vanne, le pauvre. Ah, il est pas bien. Mais t'es un mec bien. Allez. Là, il kiffe, je suis sûr, là. Oh, il kiffe le sadique, le sale le bâtard. Il a peu de pouvoir. Eh oui, dis-lui, s'il te plaît. Allume la radio, le pauvre, le pauvre. Bien, monsieur, c'est une blague, vous êtes en direct sur Énergie. Malik n'est pas recherché. On vous a piégé en direct, tout ça c'est une vanne. Vous l'entendez à la radio? Ça va, monsieur, je vous ai senti pas bien, vous étiez bleu depuis le début. Ça parle pas dans ce VTC, ça moufle pas. Le VTC du silence. Non, il m'a fait trop peur. Il est trop bizarre, votre chouette. Il a stressé le pauvre. Hey, il était tétanisé. Le VTC du tétanos. Qui n'a rien à voir avec tétanisé, évidemment. Les amis, DJ Snake. Et puis derrière, on accueille le beau papa. Ah oui. Qui a une déclaration franchement de ouf à faire à son fils en direct. Chaque enfant rêve de cette déclaration. C'est ouf ce qu'il va faire. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki taki, taki taki rumba. Aquí. Prende los motores de Kawasaki. En la discoteca ya ni llegaron los Anonaki. No le baje. El puri sobresale de tu traje. No trajo panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe. Cuenta que no quiere, pero me tiene espionaje. El puri sobresale de tu traje. No trajo panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe. Cuenta que no quiere, pero me tiene espionaje. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki taki, taki taki rumba. Touch it and tease it and squeeze it. With my piggyback is hungry, my nigga, you need to beat it. If the text ain't freaky, I don't wanna read it. And just to let you know, this Panani is undefeated, ayy. He said he really wanna see me more. I said we should have a date where? At the Lamborghini store. I'm kinda scary, hard to read, I'm like a Ouija board. But I'm a boss, bitch, who you gonna leave me for? You hoes got no class, you bitches is broke still. I be talking cash shit while I'm popping my gold grill. I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still. The love be so fake, but the hate be so real. Sobresale de mi traje, no traje panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes. Dice que no quiere, pero se quiere comerle el equipaje. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki taki, taki taki rumba. My body already know how to play. But work it, keep it tight every day. And I know you need a taste. And now, ooh, I'm falling in love. Give a little ooh, ooh, get it well done. Dance on my ooh, make a girl wanna run. We keep moving till the sun come up. But yeah, I am the party, it's a fiesta. Blow out your candles, have a siesta. We can try, but I don't know what can stop me. What my talkie-talkie wants, get my talkie-talkie gives. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki taki, taki taki rumba. Qu'est-ce qu'il y a dans ta tête, mon Rico? Bienvenue dans la teuté de Rico. Eh oui les amis, on est là jusqu'à 23h et c'est un vrai bonheur d'être avec vous. Vous venez 0800 70 42 48. Dans ma tête, il y a vos soucis, vos problèmes. Alors vous venez 0800 70 42 48. On va voir aussi David, un beau papa qui a une déclaration de dingue à faire à son fils. Franchement, j'en ai les poils. Et c'est vrai qu'hier, on a permis à une maman de retrouver aussi sa fille. C'était hyper touchant, c'était un moment de dingue. Alors cette semaine, on s'est dit, on est famille. Si vous avez besoin avant les fêtes de vous trouver, de dire des choses aussi, c'est pas facile de dire des choses, de dire qu'on s'aime, etc. Évidemment, on est avec vous, d'accord. Là, il y a Greg qui a un truc un peu plus rigolo à nous dire avant de prendre le papa. Ça va mon Greg? Salut Rico, salut l'équipe, ça va? Salut mon poulet, merci d'être là. Alors Greg, raconte-moi un petit peu, qu'est-ce qui t'arrive mon Greg? Bon, en fait, moi, j'ai tous mes potes qui me disent que je suis un bof parce que j'aime bien le camping, j'aime bien les camper. Et je voulais votre avis. Si oui, vous en pensez t'as raison, quoi. Frérot. Alors, attention, Greg, la période de Noël, c'est un petit peu ta période. Hein, parce que Noël, ça y va, en bofferie, moi le premier. Moi, je suis le roi des bofs. Faut même pas te soucier de ça, Sarah. Moi, j'adore. Pendant Noël, moi, je kiffe faire des concours de karaoké, mais autour de chants de Noël à la maison. C'est vrai, j'adore. C'est vrai. Moi, karaoké, c'est tous les week-ends, quoi. C'est bon, ça, Greg. Et puis, le père de Sarah, je peux te dire, pendant que tu fais du karaoké, il te vole. Une fois qu'elle a un public en plus. Ah oui, elle a un public. Mais les gars sont attachés. Son père nous pique le pognon pour acheter du public. C'est vrai, pour les fêtes. Non, mais la bofferie, c'est à tout va. C'est à tout va. Moi, j'adore avoir des t-shirts avec des têtes de loup. C'est important, la tête de loup. Les gros trucs comme ça, j'adore, Sylvain. Avec le petit tatouage, là, tu sais, le petit cœur avec la flèche qui passe. Oh là là, fait à l'aiguille, à l'ancienne. Tu sais, le tatouage fait au compas. Non, mais c'est horrible, ça, ne le faites surtout pas, Sylvain. Et la binouse de bière, la binouse de Noël. Ah oui. Hein, tu remets la petite sœur derrière. Toi, t'es du genre à acheter un pitbull pour faire des photos sur Insta. Il y a toujours un gars, tu sais, qui a le pitbull juste pour faire les photos. La voiture aussi, dès que t'as la voiture, la première chose que tu fais, tu mets les jantes. Tu mets le poste, tu mets le subwoofer pour que ça fasse boum boum. Si t'as pas la Golf GTI customisée, je suis pas bien. Ah ben oui. Avec les néons, c'est une option. Ah oui, tu la bichonnes, c'est avec ta meuf qui a la fenêtre à table. Ah ouais, si t'as pas toute cette panoplie, t'es mort, mon Greg. Tu te reconnais dans tout ça, mon Greg? Complètement, surtout dans la voiture GTI. Quoi. Mais c'est ça, faut se faire kiffer, faut s'accepter comme on est, Sylvain. Et tu rajoutes les sourcils là sur les phares là, tu sais. Ah ouais. Ah là, je peux te dire que c'est le top. Hein. Ah oui, les sourcils, oui, sur les phares quand tu customises. Bah oui, ça s'appelle la Domenech. Avec les flammes sur les côtés. Ouais. Avec les flammes sur les côtés, tu vois, avec les néons. Par contre, je crois que ça s'appelle des paupières de phare, pas des sourcils. Ah oui, c'est vrai. Ouais, c'est pareil. Oh, c'est pareil. Aussi quand tu connais toutes les chansons paillardes. Moi, j'adore. Ça, je connais pas. Je connais pas de chansons paillardes. Ah, t'en as, Greg, des chansons paillardes ou... Il y en a, mais je sais pas si on peut les dire à l'antenne. Non. Elle dit que du cul. Oh oui, raconte tout, Sylvain. Vas-y. Je sais pas. Ah, fais-toi plaisir. Elle dit que du cul. Tu pouvais fermer ta... Ouais. Je suis d'accord. Et puis le summum, c'était quand t'es au feu rouge et que t'appuies le gars, tu le regardes, fais c'est une petite course. Tu klaxonnes ou quand il y a une meuf qui arrive, tu baisses la vitre, zic à fond. Ah ouais, Rico, j'ai perdu mon permis comme ça, moi. Je suis calme là, je te jure. J'ai perdu mon permis, je voulais faire la course avec un type, sauf qu'il était 4h du matin et tout, il y avait personne, tu vois, sur la route. Ouais. On était en ville, première 50, deuxième 90, troisième 120 et la flash. Ah ouais, j'ai gagné la course, hein. Ah ouais, c'est vrai. J'ai perdu le permis. T'es vraiment nenu, ça. C'est vrai. En plus, ce gars, c'était un flic, il s'est marié. Arrive au radar, il a pilé, tu sais, il s'est dit stop, rideau. Et en plus, le pire, c'est, tu sais, des fois, t'as une petite patte de lapin là. Ouais. Et t'embrasses la patte de lapin avant de partir. Ah ouais, t'arrives. Les gros dés. Les gars, tu te signes. Tu sais, fais la prière dans la voiture. Ah, ou le tapis, tu sais, à boule, là, dans les taxis, là. Ah ouais. Le truc roulant, là, à boule, que les mecs ont des fois. C'est vrai, c'est avec la moquette sur le volant. Ouais, ouais. Ben, Sylvain, quand il conduit, il met les mitaines. Sylvain, il a une voiture alors qu'il a pas le permis. Je vous jure que c'est très, très fort. Ouais, j'ai une voiture à pédale. Ah oui, et puis je peux vous dire qu'il a, il bichonne. Il a toujours aimé ça, la pédale. C'est vrai, il a toujours été dès du vélo, de la voiture, il est. Hein, mais pas le permis. Mais pour moi, Sylvain, franchement, désolé pour toi, c'est le beauf par excellence. Il a un collier graines de café à l'ancienne, il a un jean qui lui moule les coucougnettes à l'ancienne. C'est vrai, je vous ai mis le pull de Sylvain, Rico Énergie sur Snap. C'est une honte, ce pull. C'est-à-dire que même pour laver les carreaux, je le mets pas. Ah ouais. Mais t'es malade, c'est Rital, ça, c'est italien. Parce que c'est italien, c'est chic. Bien sûr. Mais arrête tes conneries. Italien, tu connais pas, toi. Non, mais le problème, c'est que c'est pas du bon côté de l'Italie, Sylvain. C'est pas le côté où c'est bien. C'est le côté de la botte. Non, mais tu sais quoi, c'est les excédents italiens, ça. Le mec qui met Italie, plus ça défouraille, ça part. Mon Greg, assume comme t'es, on te fait un petit cadeau. Merci d'être passé, mon Greg. Ça marche, c'est cool. Bonne soirée à vous. Bonne soirée. Bonjour. On te kiffe, mon Greg d'amour. Franchement, c'est un kiff. Il y a Maxime, là, les amis. Il a un énorme dos à vous raconter. Et puis David est là. Il va vous raconter ce qu'il va faire pour son fils. C'est ouf. Tout oublié. Angel, un peu comme le pull de Sylvain, qui est dispo Rico Énergie sur Snapchat. N'existe pas sans son contraire, qui lui semble facile à trouver. Le bonheur n'existe que pour plaire, je le veux. Enfin je commence à douter, d'en avoir vraiment rêvé. Est-ce une envie, parfois je me sens obligée. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué. Tout, il faudrait tout oublier. Pour y croire, il faudrait tout oublier. pas sans son contraire, une jeunesse pleine de sentiments. L'ennui est inconditionnel, je peux ressentir le malaise des gens qui dansent. Essaye d'oublier que tu es seul, vieux souvenirs comme la DSL. Et si tout le monde t'a délaissé, ça s'est passé après les sols. Tout, il faudrait tout oublier. Pour y croire, il faudrait tout oublier. On joue, mais là j'ai trop joué. Ce bonheur, si je le veux, je l'aurai. Et l'esprit n'est plus à la mode. C'est pas compliqué d'être heureux. L'esprit n'est plus à la mode. C'est pas compliqué. Et l'esprit n'est plus à la mode. C'est pas compliqué d'être heureux. Si ça me soit juste heureux, si tu le voulais, tu le serais. Ferme les yeux, oublie que tu es toujours seule. Oublie qu'elle t'a blessé. Oublie qu'il t'a trompé. Oublie qu'il t'a perdu. Tout ce que t'avais. Si ça me soit juste heureux. Si tu le voulais, tu le serais. Tout, il faudrait tout oublier. Pour y croire, il faudrait tout oublier. On joue, mais là j'ai trop joué. Ce bonheur, si je le veux, je l'aurai. Oublier. Pour y croire, il faudrait tout oublier. On joue, mais là j'ai trop joué. Ce bonheur, si je le veux, je l'aurai. Et l'esprit n'est plus à la mode. C'est pas compliqué d'être heureux. L'esprit n'est plus à la mode. C'est pas compliqué. L'esprit n'est plus à la mode. C'est pas compliqué d'être. Si ça me soit juste heureux. Si tu le voulais, tu le serais. Si ça me soit juste heureux. Si tu le voulais, tu le serais. Si ça me soit juste heureux. Si tu le voulais, tu le serais. Allez, on va se faire la battle de séduction. Sylvain contre moi, mais avant on prend Maxime qui a fait le 0870 70 42 48. Il a des choses à nous dire, ainsi que David, beau papa, qui veut faire une déclaration folle pour Noël. Franchement, c'est une histoire de fou. Il va vous glacer le sang, mais à la fois vous donner les frissons et pas mal d'espoir. Ouais. C'est magnifique ce qu'il a à vous annoncer. C'est dans une minute. Maxou, ça va Maxou? Ouais, salut Rico, salut toute l'équipe. Salut Maxou. Qu'est-ce qui t'arrive, mon Maxou? J'ai un truc de fou à vous raconter. Vas-y. Je me suis fait embarquer il y a 2 mois par les flics. C'est pas vrai. Qu'est-ce qui se passe? T'es en prison là? T'es en prison? Non. Je me suis tapé 24 heures, mais pour une erreur, un truc de fou. C'est pas vrai, raconte. Quand ils m'ont embarqué, ils m'ont fait un contrôle routinier. Ouais. Je pensais que c'était juste un contrôle des cartes d'identité. D'accord. Je file ma carte, et ils contrôlent, ils me disent, bon, ben venez avec nous. Mais voilà. Ils m'ont embarqué avec eux, ils m'ont embarqué les menottes et tout. À 3, ils m'ont embarqué. Ouh là là. On va au central et tout, ils font les papiers, et au bout d'un moment, je me pose et puis je regarde, je pose la question, je dis qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'ai fait. Et là il me dit ben vous correspondez à un porteur robot qu'on a pour une agression physique. Un sosie quoi. Oh, merde. Bon, d'accord. Ah, j'ai dit non mais vous déconnez ou quoi? J'ai dit mais j'étais sur une terrasse en train de boire un café avec un pote. Oh, il a halluciné, il a essayé de m'appeler tout le temps. Mais un truc de fou, hein. L'histoire en fait c'est un truc à la con, quelqu'un me ressemblait trop. Oh putain, mais Maxime, moi ça m'est arrivé cette histoire, il y a un mec qui ressemblait à Sylvain que j'ai trouvé dans le lit de ma mère. Il me soutient que c'est pas lui. Il a peur. Il dit, oh, c'est fou, ça t'arrive à toi aussi, tiens, c'est dingue. Et moi, ça m'est déjà arrivé. Après, ça s'est super bien passé. Bah, j'imagine après derrière les mecs qui sont en angoisse totale. Oui. Ah ouais, moi ça m'est arrivé en fait, j'étais dans une vieille Clio pourrie à l'ancienne avec un pote à moi plutôt connu. Ouais. J'avais fait une télé réalité. Oh là là. Oui, et en fait, il y a une voiture d'un peu de Kaira et tout qui passe à côté de nous. Oh la honte, il a fait de la télé-réalité, genre la resta, mais il roule dans une vieille caisse. Ah ouais. Et donc là, il est vénère, il fait un doigt d'honneur, tu vois, par la fenêtre. Ouais. Sauf que derrière, il y avait une voiture de police. C'est pas... Et les policiers, on pensait qu'on faisait un doigt d'honneur à eux. Donc, Giro, ouais. Etc. On était sur les champs, sur le côté, main sur le capot. C'est pas. Ouais, vous nous avez la palpation n'a pas dû durer longtemps. Parce qu'à mon avis, avec toi, il n'avait pas trop envie d'y aller. Et du coup, ils nous ont pas cru. J'ai dit, mais c'est une star et tout. C'est pour ça, je lui explique l'histoire. Ils ont dit, à arrêter ces bâtons, on vous embarque. Au final, ils nous ont cru au bout d'une heure de négoce. Ah ouais, ça devait être une grosse resta. C'est qui la resta? C'est Alban Bartoli que j'aime. Ah oui, d'accord, ouais, d'accord, on l'embrasse. Bah oui. C'est les marques de pâtes. Des pâtes. C'est vrai, c'est fou, il a inventé l'aioli aussi. Je t'expliquerai. Il est al dente, hein, je peux te dire. Ah ouais, là, lui, oula, ça craque dans son slip. Mais ils sont malades. Ah ben, bon, Alban, je connais un petit peu. Oui, on l'adore. Ah, il est toujours le spaghetti affûté. Eh ben, Maxou, ça s'est bien fini finalement cette histoire. Ouais, ouais, je me suis pris un avocat, j'en ai eu pour juste 500 euros d'avocat. Ah ouais, j'ai préféré, je connaissais rien. Ah ouais. J'ai eu 500 euros d'avocat, j'ai dit au moins je suis tranquille. C'est pas. Mais ouais, je suis juste passé devant le substitut, ils ont fait les papiers et je me suis tiré. Oh là là. Il avait l'avocat, il m'a dit normalement, t'as même pas le droit, t'aurais même pas dû faire 24 heures. Ils m'ont gardé 24 heures. Mais non, ils pour ça. Ils m'ont pris l'ADN, ils m'ont pris les empreintes et ils m'ont pris en photo. Écoute, moi je suis content qu'ils aient bien vérifié. Non, je rigole. Quelle histoire. C'est une nuit pourrie quand même. La nuit, elle était pourrie. Oh, puis ça pue dans ses gardaves et tout. Ça sent la pisse. T'as cru que c'était 5 étoiles ou quoi? Non, c'est pas. En plus, le gars, ça devait être un malade qui avait violé toute la planète. Oh. Il était à deux doigts de le mettre avec Cyril qui a 20 ans de prison, tu sais. Le gars qui fait 1m80 et qui voulait bien s'occuper de toi. Est-ce qu'il pensait que t'étais un pointeur? Même pas, quoi. C'est fou. Et en plus, la couverture de gardave, là, celle-là, tu sais, quand t'as un peu. Rappelle que t'as été policier. Oui, j'étais aussi. Enfin, j'ai été des deux côtés, moi. J'ai tout connu. J'ai connu aussi cette couverture. Et puis après, le commissaire a pris le dossier et a dit c'est bizarre. Il était gardé à vue il y a deux mois. On est ravis de l'avoir parmi les rangs. Hein, parmi... Il connaît bien les lieux, lui. Ah, ouais. Il va pouvoir discuter avec les fugitifs. Ouais, sympa l'hôtel là-bas. Bon, Maxou, ça s'est bien terminé. C'est l'essentiel. Vous nous racontez vos vies, vous en mettez. Aujourd'hui, tu vois, j'en rigole. Quand je raconte à des potes, ils me disent oh, mais tu rigoles, c'est une blague, pas toi. Je dis, bah si, les gars, c'est moi. Et alors, à chaque fois, je suis obligé de sortir le papelard. Ça c'est une preuve pour prouver que c'est bien moi, quoi. Ah. Oh là là, l'histoire de fou. Eh, hey, Maxou, on va te faire un cadeau et ça, c'est gagné. Fais gaffe, hein. Tu risques d'avoir une vérification de colis. Mais c'est offert. On t'embrasse, Maxou. Plein de bisous, mon poulet. Gentil, merci. Je vous embrasse à tous. Vous êtes bisous. Super, géniaux. On te kiffe, Maxime. Vraiment, t'es un amour. Les amis, on accueille David, le beau papa qui a une demande à faire complètement ouf. Franchement, il est là, il est avec nous et c'est hyper beau. Ça va, mon David? Salut Rico, ça va. Ouais, un petit peu stressé. Je sais que t'es stressé. C'est ça. C'est surtout que je suis pas bien par rapport à Pierre, que je considère comme mon fils. Ouais. Mais en fait, c'est mon beau-fils. Ouais. Et en fait, je l'aime plus que tout. Et je sais pas trop comment lui dire. Ah. Et voilà, j'aimerais vraiment, j'ai besoin de vous, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin que tu m'aides, Rico, pour que je puisse lui dire à combien je l'aime. Ah bah écoute, la relation est un peu compliquée parfois. Et voilà, le fait que ça soit pas mon fils biologique, et puis il a une histoire un peu compliqué, un peu particulière, donc voilà, j'ai vraiment besoin que vous m'aidiez les poutous, quoi. Ah bah écoute, on va le faire, on va en parler. C'est fou l'annonce qu'il a lui faire ce soir, et il y a beaucoup de souffrance autour de ça, mais ce soir c'est terminé pour Noël. Il a une annonce folle à faire. On se met Maître Gims et Dadju, tiens, les frangins là, hein, puisqu'on parle famille sur Énergie. Et puis je prends Sylvain à la battle de séduction, et David va vous dire exactement ce qu'il compte faire ce soir. On est là jusqu'à 23h avec vous, les copains. Et je t'ai donné bien plus que ce qu'il fallait. Je suis bagarré contre vents et marées. Je l'ai fait pour toi, tu ne le vois pas. Oui, je t'ai donné bien plus que ce qu'il fallait. Je suis battu contre tout ce qui parlait. Je l'ai fait pour toi, mais tu ne le vois pas. Et si on en est là, c'est de ma faute. Mais je n'aimerais personne que là. J'ai fait une bêtise qu'il faut pardonner. Et si on en est là, c'est de ma faute. Mais je n'aimerais personne d'autre. Et puis si j'insiste, c'est qu'il faut pas oublier. Évidemment, on va laisser parler le temps. On a assez haussé le ton. Rien ne sera plus jamais comme avant. Si je te mens, c'est pour notre bien justement. Ne me juge pas sur le moment ou sur ce que me font faire mes démons. Est-ce que tu te vois expliquer tout ça à nos parents? Laisse-moi espérer que ça s'arrange. T'as oublié tout ce qu'on se disait. Et je t'ai donné bien plus que ce qu'il fallait. Je suis bagarré contre vents et marées. Je l'ai fait pour toi, tu ne le vois pas. Oui, je t'ai donné bien plus que ce qu'il fallait. Je suis battu contre tout ce qui parlait. Je l'ai fait pour toi, mais tu ne le vois pas. Si on en est là, c'est de ma faute. Mais je n'aimerais personne d'autre. Et puis si j'insiste, c'est qu'il faut pas oublier. On n'arrête pas la guerre à cause d'une bataille. On n'arrête pas à cause d'une entaille. Je sais que j'ai fait ce qu'il ne fallait pas. Pour dire que je ne t'aime pas, donc qu'est-ce qui ne va pas? Et tu me tournes le dos pour t'en aller. Rappelle-toi que je suis un daron, je vais pas te le pardonner. Et je t'ai donné bien plus que ce qu'il fallait. Je me suis bagarré contre vents et marées. Je l'ai fait pour toi, tu ne le vois pas. Oui, je t'ai donné bien plus que ce qu'il fallait. Je me suis battu contre tout ce qui parlait. Je l'ai fait pour toi, mais tu ne le vois pas. Je l'ai fait pour toi. Je l'ai fait pour toi. Je l'ai fait pour toi. Avec vous les amis, jusqu'à 23h, c'est un bonheur franchement et on a pas mal de choses à faire. Et oui, on est là pour kiffer et je vous promets du très très lourd. Battle de séduction qui arrive, Sarah qui s'installe et qui me fait très peur. Hein, puisque évidemment, on va appeler en mode conférence. Hein, parce que les nanas ne répondent plus en masqué. Eh oui. Hein, lorsqu'il faut séduire, vous n'êtes plus là, c'est les normal, amis. Ouais. C'est toujours ça. Hein. Ah bah c'est normal, il y a des psychopathes qui traînent dans les rues. Ah ouais, bah oui. T'as peur? Oh oui, surtout de toi. Oh là là. Eh bah écoute, on va voir qui est le plus fort puisqu'on a un profil identique, Enzo, et on va devoir dragouiller. D'accord, ouais. Alors David, le beau papa est là et il va nous annoncer ce qu'il va faire ce soir. Vous l'avez vu, c'est hyper compliqué. Il l'a dit avec son fils et David a une demande très particulière. Il vous explique pourquoi. David, raconte-nous, qu'est-ce que tu comptes faire? Ouais, bah alors du coup, je te disais, je l'aime plus que tout mon fils et j'aimerais l'adopter. D'accord. Ce soir, c'est mon beau-fils, donc je le considère comme mon fils. Ouais. Et voilà, ce soir, j'aimerais l'adopter. Il a un passé un peu difficile. C'est quoi? C'est-à-dire que ça fait 10 ans que moi que je suis avec sa maman, que je suis avec sa maman. Et son papa, c'était un ancien bandit qui est décédé. Ouais. Du coup, il y a toujours cette relation un peu compliquée avec moi qui suis ici le beau-père. Ouais. Et voilà, il a du mal à voir. Enfin, moi, je veux faire le meilleur pour lui, en fait. À chaque fois, je suis un peu sévère, etc. Mais je veux le meilleur pour lui. Et ce soir, je pense que la meilleure des choses que j'ai à faire, c'est lui dire que je veux l'adopter. Je veux vraiment qu'il soit mon fils. Mon fils sur les papiers aussi. Quoi. Et en fait, si David veut faire ça, c'est pour une raison particulière. Tu m'as expliqué qu'en termes de fierté, il y a toujours eu un souci un peu. Oui, forcément. Avec ton fils, puisqu'il a l'impression que, comme tu ne le laissais pas l'appeler papa... que tu l'assumais pas trop. Alors que toi, en réalité, c'était quoi cette histoire, David? Ben, c'est plutôt le fait que son père biologique, il a une importance pour lui. Ouais. Et je cherche pas à remplacer, mais je veux quand même avoir. Son passé, c'est son passé. Mmh. Je peux pas empiéter dessus. Voilà. Par contre, voilà, mon amour, il est comme celui d'un père. Et ça, je veux qu'il le comprenne. Et je crois que c'est. Voilà, je veux juste lui dire que j'aime plus que tout. C'est la plus belle preuve d'amour que je puisse lui donner et j'ai besoin que vous m'aidiez à passer le message, quoi. Eh ben écoute, on va lui dire en le faisant sur énergie, comme ça, une heure de grande écoute, comme ça. Voilà, là, il n'y a plus de doute, t'es fier de lui, t'as envie de le prendre sous ton aile. Il y a toujours pensé à un moment donné qu'évidemment, papa n'était pas forcément fier de lui, qu'il l'assumait pas trop, mais voilà, c'est plus qu'il n'avait pas envie de s'engager tout de suite sur l'histoire, Non, mais ouais, non, mais c'est pas facile en plus. Apparemment, il a fait le petit, il avait fait des conneries et tout. Ouais. Voilà, le père du petit. Oui, le père du petit a fait des conneries, donc forcément, c'est dur d'assumer après. C'est magnifique. J'espère juste que le fils ne sera pas fermé. Non, mais apparemment, ce que me dit David, il attend que ça, lui. Il est comme un ouf, c'est ça. Mais j'espère, en tout cas, moi, j'essaie de lui montrer, et c'est vrai que je suis quand même assez sévère avec lui, parce que je ne crois pas non plus qu'il aille trop sur un mauvais chemin. D'accord. Mais donc voilà, j'ai gardé cette sévérité avec lui, parce que j'aime plus que tout, et je veux qu'il soit droit. Quoi. Au contraire, tu veux lui dire que ce soir, que voilà, c'est pas parce que tu l'assumais pas ou que tu l'as jamais aimé comme un père, mais plus pour le protéger et pas le décevoir une deuxième fois, comme c'est avec son premier père qui était pas dans les rangs. Ah là, c'est Noël avant l'heure pour lui. C'est magnifique cadeau que tu lui fais. Franchement, c'est un beau cadeau. On rêve tous de ça, hein, quand t'as une famille recomposée, que t'as un papa qui est pas là ou pas forcément. On rêve tous d'avoir le papa qui te fait une annonce comme ça. Et je trouve que sur énergie comme ça, c'est montrer, voilà, écoute, je suis fier de toi, mon fils. Grave. T'as pu en douter, j'ai pu être dur avec toi. Mais si je le fais là, comme ça, sur énergie à la radio, c'est que je t'aime et je l'assume. Ah, c'est énorme. J'adorerais me faire adopter par les Rothschilds. Les courses là. Les amis, on appelle ton fils. Ok, David, tu bouges pas. Ça va être magique pour lui. David a 41 ans, son fils 19 ans. C'est un nouveau tournant. Et c'est savoir aussi d'où on vient pour mieux avancer. Ouais. Les amis, on va se faire ça et la battle de séduction. Oh, t'es aimé. Les plus gros hits à la maison. Les plus gros hits en voiture. Les plus gros hits au travail. Énergie, Hit Music Only. Salut, c'est Manu. Toi qui l'as conduit qu'à l'aller. Toi qui as dansé toute la nuit avec un serre-tête licorne debout sur le bar. Toi qui as chanté très fort, très longtemps et très très faux dans la voiture. Mais toi qui es rentré entier ce soir-là. N'oublie jamais de remercier ton Sam, le conducteur désigné. Parce que vraiment, tu chantais très faux. Et pour lui montrer votre respect, tentez de gagner 2 places de concert énergie pour vous et votre Sam. Partagez votre Sam expérience avec le hashtag Respect Sam Énergie. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Respect Sam. Jeu jusqu'au 30 décembre 2018. Règlement sur énergie.fr. Partez à San Francisco pour la sortie du film Événement de Noël. Comment tu t'appelles? Bumblebee avec Énergie. Écoutez Manu dans le 6-9 de 6h à 9h30 sur Énergie et partez sur les traces du héros le plus cool de la saga Transformers. C'est pour ça que tu es là, Happy. Bumblebee, le 26 décembre au cinéma avec Énergie. It's music only. Rejoignez l'équipe au 0800 70 42 48. L'appel est gratuit. Le Rico Show, c'est votre émission sur Énergie. Eh oui, c'est fort les amis, on est famille cette semaine plus que jamais. Si vous aussi vous avez des déclarations, des choses à faire, vous voulez retrouver vos proches cette semaine à l'approche des fêtes, on est là pour vous, 0800 70 42 48. David va tenter de retrouver son fils, en tout cas de lui dire qu'il l'aime et qu'il souhaite l'adopter puisqu'ils sont ensemble. Hein. Ils ont toujours été là l'un pour l'autre, mais ça n'a jamais été clair. C'est dur avec les beaux-pères, hein. C'est toujours un peu spécial. On se fait la battle de séduction, Sylvain contre moi, on a un profil identique, Enzo, ça va draguer sec, qui sera le meilleur? Et puis dans la foulée, on appelle le fiston. Hein. Si vous avez des témoignages, 0800 70 42 48, l'appel est gratuit. You've been dressing up the truth, I've been dressing up for you, then you leave me in this room, pour a glass and bite my tongue, you say I'm the only one, if it's true then let me heal. let go, come on. Escucha como digo tu nombre, desde Medellín hasta Londres. Cuando te llamo la mala responde, no pregunta cuándo, solo dónde. Te dejas llevar de lo prohibido, eres adicta. Una adicción que sabes controlar, y te deja llevar lo más caliente en la pista. Todo lo que tienes demuestra pa' que lo dan. Mordiendo mis labios esperas que nadie más está en mi camino. Nada tiene por qué importar, déjalo atrás, estás conmigo. Mordiendo mis labios esperas que nadie más está en mi camino. Nada tiene por qué importar, déjalo atrás, estás conmigo. Say my name, if you love me, let me heal. Say my name, I am dying to believe you. C'est la battle de séduction. Mesdames, planquez-vous face à face. Sylvain le lourdeau. Un petit dîner en chandelle, toi et moi, autour d'une petite plâtrée de tagliatelle saumon. Face à Rico, le gospo. On ira là où le vent nous mène. Où ça ? Vas-y. Vers un petit moment sympa entre nous. C'est la battle de séduction sur Énergie. Les amis, beaucoup de messages pour David, ce beau-père qui souhaite adopter son fils. Hein, il considère comme son fils. Il est arrivé dans la famille, il avait 5 ans, rendez-vous compte. Il n'a jamais vraiment assumé, il interdisait de l'appeler papa parce qu'évidemment, eh bien, ce jeune homme avait vécu quelque chose de difficile avec son papa biologique hein, qui était dans de sales affaires et qui est décédé. Et lui, il ne voulait pas... Parce qu'il avait peur qu'avec la maman, un jour, ça s'arrête et être loin. Il ne voulait pas s'attacher. Mais là, c'est bon. Ça fait maintenant plus de 15 ans qu'il est dans la famille. Il est sûr de son couple, sûr de sa vie, sûr de son fait, sûr de son gamin, sûr de son amour. Il veut lui annoncer qu'il l'adopte et il veut le faire sur Énergie parce qu'il a toujours cru que son père ne l'assumait pas. Oui. En fin de compte, c'est que David, il n'était pas, pas chaud. Ouais. Il n'était pas chaud et il n'assumait pas son fils. Il veut lui dire, écoute, je t'assume, je te le dis en direct sur Énergie. C'est beau, c'est beau. C'est beau pour Noël. On est là pour vous, hein, évidemment. Très touché tellement que c'est beau, nous dit Dani. C'est trop touchant, nous dit Sandra. Oh là là, j'aurais aimé me faire adopter par les Rothschild, dit Ayat, comme Sarah. Et puis franchement, c'est un bonheur. Voilà, de vous avoir avec nous comme ça et on va l'appeler, d'accord ? Ouais. On prend vos témoignages, beaucoup de messages de soutien et on se fait ça. RICO Énergie aussi sur Snap. C'est la battle de séduction, Sarah. On appelle tour à tour des jeunes femmes. C'est on ça. Tente de les draguer avec trois figures imposées. Ce soir, on va devoir rire comme Claude Alexo. Voilà, il faudra le faire trois fois. Il faudra balancer trois fois le nom de son ex. Donc elle s'appellera Camille, d'accord ? Camille. Voilà, okay. On appellera la personne Camille, d'accord ? Comme ça, on est sûr en mode pour la saouler, d'accord ? Et puis évidemment, il y aura des rots que je pourrais balancer à trois reprises. Ils sont là, ils sont bien présents. Bien mangé, durant l'appel, et il y aura une intervention surprise de Sarah durant ce même appel. Alors, j'ai reçu beaucoup de messages sur Snap. On m'a dit démarre Rico. Commence. Ah, c'est vrai. Parce que toujours, c'est Sylvain qui démarre et c'est compliqué, les amis. On y va, je démarre. On y va, Sarah. Okay, tu me dis quand ça sonne, puisqu'on appelle en conférence, les nanas ne décrochent pas, on appelle masqué. Okay. Tu penses que c'est un désavantage que de démarrer ? Ah oui, c'est un désavantage, tu vas voir. Ah ouais ? C'est pas facile. D'accord. Parce qu'après, tu peux prendre l'empreinte, tu vois. C'est... L'emprise. Oui, d'accord. Je vais te mettre une fessée, frérot. Mais tu vas rien mettre du tout. Ouais. Je sens que je vais te mettre une fessée. C'est bon, Sarah, ça sonne ? Ça sonne. Très bien. Écoute, tu me dis, tu me fais un signe. On va chez qui ? Hello. Hello, il faut me dire quand même le. Quand même, peut-être qu'elle réponde à moi. Le nom, hein. Hello, il faudrait que. Elle répond pas là, Hello. Allô. Oh là là. Ah, Hello, elle est où, là. Hello, elle est allô. Oh putain, quand tu fais ce genre de vanne, c'est que t'es en détresse. Ah, ouais. Vous voyez que je suis en détresse, hein. Vous le sentez, c'est que vous êtes en ramage. Attends, je viens avec toi. Allô, Hello. Oh non. Je viens un soutien. Allez, voilà, alors on va te mettre Matt. Matt, on y va avec Matt. Matt. Allez, c'est parti. Matt, elle s'appelle ? Ouais, elle s'appelle Matt. Pourquoi ? Mathilde. Matou, ok, on appelle Matou, et puis je vous rappelle qu'on appellera. Le fiston de David. T'as dû bien l'échauffer, Sarah. Bravo. Ah, hein. J'ai fait que ça toute la journée. Je rappelle qu'on est Enzo. Hein. On est coiffeur. On part barbershop. On part sur un pied d'égalité. Hein. Ah oui. Piédestal. Voilà. Piédestal. Ah, hein. T'aimes bien les stalles. Hein. Ça sonne pas, Sarah. Ça sonne, mais ils ont pas envie. Hein. C'est pas vrai. Ouais, ils sont fatigués. Hein. Oh là là. Oh là là, la Sada. La Kadour, la Gaga, la Gadou. Allez, on va faire Nala. Oh là là, Nala. Oh, Nala. Ah, je me sens d'une humeur. Je suis Simba. Ah, c'est parce que je dis Disney, je crois. Ouais, merci, c'est JM. Ouais. Quand je même. Sais pas lequel. C'est qui ? Le Roi Lion. Désirée. Ah ouais. Nala, ça répond, Nala ? J'hallucine. Vas-y, Matouf. Hello, essaye de me rappeler. Oh là là. Mais décroche. Ouais. Mais bah attends, je peux pas faire la permutation comme ça. Mais appelle-les en masqué, elles s'en foutent, c'est bon, elles ont la dalle. C'est ça. Allô ? Allô ? Oui. Oui. Bah, ça va ? Tu vas bien, Senzo ? Oh merde, putain. Oui, et toi ? Qu'est-ce qu'il y a ? T'es pas. J'ai tout fait tomber. T'es pas con... Ah, je croyais que c'était moi, que t'étais pas contente de m'avoir. Ça va? Oui, toi. Écoute, ça va, Camille? Quoi de neuf? Tu m'as appelé comment? Hein? Tu m'as appelé comment? J'ai dit ça va, Camille. Non, je suis pas Camille. Non, mais je sais. Oh putain! Oh, hey, tu vois, oh là là, ça marche! C'est toi qui commence! Hey, mais le nom de l'ex, c'est. Ah, c'est chaud! Ah, alors, putain! Tu veux avec Hello du coup? Ah non, mais. C'est chaud le nom de l'ex. Là, c'était pas Hello. Tu m'as mis des gens, c'était qui celle-là? Ça, c'était pas Hello, c'était... mais tu l'appelles par le nom d'une ex, c'est normal, moi je te rappelle Hello. Non, mais l'ex, je crois, c'est éliminatoire. Mais l'ex, c'est même si c'est une ex ou pas une ex, tu l'appelles par un autre prénom. Donc t'as encore changé tes règles? Allez, Hello. Hello, on essaye. Super! Attends, Sarah, elle m'a mis sa. Je suis sûr qu'elle. Elle m'a mis sa sœur. Allô? Allô? Allô, Hello? Ah, bah, enfin! Ah, ça va, ma chérie, tu vas bien? Non, mais. C'est toujours celui-là. Insupportable. Oh, c'est bon, oh là là. Ça va, tu vas bien? Bah, ça va, et toi? Mais écoute, nickel, Cynthia. Franchement, c'est un bonheur. C'est un bonheur. Ouais, c'est un bonheur. Ouais, et toi, code neuf? Bah, rien, tu sais. Je suis en train de rentrer. Ah, ouais? Ah ouais, c'est vrai? Bah ouais. Ah d'accord. Ouais, c'est vrai. Écoute, ouais. C'est dingue. Hein. C'est dingue, enfin, ta vie est magnifique, Camille, hein, je te dis. Ouais, bah, un peu comme la tienne. Ah ouais, oh, c'est pas gentil ça, Camille. Oh là là, là j'aime pas. Bah c'est pas gentil, alors c'est toi qui est pas gentil, c'est-à-dire que tu as l'impression que la mienne n'est pas top. Mais non, je rigole. Bah... Ah, attends. Mais il est dingue, mais le mec est en train Camille. De hurler de rire dans mon oreille. Ah, je suis comme un fou, je te jure, je suis comme un fou. Non mais sérieux, je suis hyper content de t'avoir, je suis excité de t'entendre, c'est fou. Bah oui, bah au moins, oui. Non mais je suis excité, genre je suis content, tu vois. Tu vois, je suis... Bah oui, pourquoi? Bah non, parce que je sais pas, ça fait un moment que je t'entendais et que j'avais quoi envie de te voir. Ah bon? Ouais, et pourtant, on a tellement pu parler. Hein, c'est dingue. Non, mais c'est vrai, je te trouve. C'est l'effet que je fais. Bah, c'est vrai, t'as un effet qui est terrible. C'est dingue. Ah, mais t'es dégueulasse. Excuse-moi, j'ai un coca qui est mal passé. J'ai un coca là qui passe pas. C'est un... Ah bon. Qu'est-ce qu'il y a? En tout cas, c'est pas avec ça que tu. que je vais succomber. Hein. Oh non! Camille, oh! Oh, arrête! Non mais Hello, tu peux pas c'est me faire ça. Mais non, arrête. C'est le dernier. Excuse-moi. Je te laisse t'amuser. Non mais il était coincé. Bon allez, toi parle-moi un peu de toi. Il te fout de ma gueule, le mec est en train de me roter à la gueule. Et il veut que je te raconte ma vie. Mais non, excuse-moi, j'ai un petit souci. Bon, on essaie de se voir ou pas? Bah, comment ça, on essaye de se voir? Bah, ça pourrait être sympa, quoi. Je sais rien de ta vie. Mais non, arrête. Le mec me dit à chaque fois qu'il veut m'appeler, il m'appelle arrête, pas. Arrête, on peut essayer d'aller. Il veut m'appeler alors que je suis occupée et il me dit bah, si, tu prends 5 minutes. Attends, je connais pas. Je suis au salon, je bosse tout le temps. Bah, excuse-nous. Est-ce que je te laisse mon numéro comme tu me l'as demandé? Ouais, laisse-le là. Et tu m'appelles, hein? Ouais, je vais t'appeler. Fou. T'inquiète non, mais pas. Mais la semaine dernière, tu m'as dit que tu me rappelais, tu m'as pas rappelé. Je vais t'appeler. Là, tu m'appelles. On va te faire la beubare. Non, mais tu m'appelles. On va te faire la beubare, t'as besoin là, de près. T'as la moustache qui repousse, bon, c'est pas bien. Ton appel, j'y vais. Très bien. On fait ça? On essaie de te faire une. Excuse-moi. Hello? Ouais. Oui. On essaie de se voir. Ah bah vraiment, il y a beaucoup de gens que tu ne rappelles pas. Non, bah ouais, ça t'as vu, c'est comme ça. On essaie de se voir ce week-end, on se fait un petit truc. Bah ce week-end, moi je travaille. Bah écoute, demain soir. C'est bien joli. Bah demain soir aussi, je travaille en fait. Mon jour de repos. Quand est-ce que tu veux qu'on te voit? Ah, c'est aujourd'hui. Tu veux qu'on essaie. Et là, je travaille samedi, dimanche. Bon, on se voit la semaine prochaine sur ton jour de repos, ça te va? La semaine prochaine, c'est Noël. Ah ouais, c'est vrai. Bon, tu veux qu'on se voit quand, dis-moi? Bah, du coup, je sais pas, il faut voir après Noël, mais après, il y a le nouvel an. D'accord. Bon, bah, écoute. Donc, je crois que ça va être en 2019. Ah bah, on se voit 2019, le 18 janvier. Oui. Ouais. C'est bon pour toi? Note-le dans ton agenda. Allez, c'est noté, je t'embrasse. Parce qu'à tout moment, t'oublies. Hein. Oh là là, la tanasse. Oh là là. Et en plus, t'as eu deux appels. Ah, je suis mort. Hein, ah, t'as eu deux appels. Hein. Je suis mort. Il va me bouffer ce soir. Et puis David va retrouver son fils. Are you drunk or not? Now to judge what I'm doing. Are you high enough to excuse that I'm ruined? Cause I'm ruined. Is it late enough for you to come and stay over? Cause we're free to love, so tease me. Ooh. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. Tonight. You acting tonight. Is it loud or no? Cause my body is calling for you, calling for you. I need someone to do the things that I do. I'm here now, energy taking control. I'm speeding up, my heartbeat's dancing alone. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. Promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. Tonight. You acting tonight. Cause I need your green light. Day and night, say the truth in mind, cause I need. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. Tonight. Avec vous les amis, jusqu'à 23h, on appelle le fils de David pour lui annoncer une nouvelle complètement folle. Son beau-père souhaite l'adopter avec un parcours chaotique hein, à la base avec son papa biologique. Il souhaite lui montrer qu'il est fier de lui et qu'il n'a pas peur de l'assumer en direct sur Énergie, sur la première radio de France. Ça va être énorme les amis. Mais là c'est Sylvain qui tente de me battre, ça va être facile. Facile. Ça va être facile. Je rappelle que tu as droit à cette chance-là si ça raccroche tout de suite. D'accord, ouais, comme moi. Okay. Donc tu as 30 secondes pour t'installer, tu discutes avec, tu vas devoir dire trois fois le nom Camille, comme si tu te trompais que tu parlais de ton ex. Tu vas devoir rire trois fois. Il va y avoir des rots à raison de trois fois. Vous avez vu le rot, elle a adoré. Et une intervention de Sarah surprise. On y va, on appelle qui Sarah? On appelle Sarah justement. Ah bah écoute, j'espère que ça va répondre. On appelle en masqué, là j'en ai rien à foutre, ça répond. J'en peux plus de ces histoires de conférence. Ça raccroche pas, j'espère. Ah bah non. Allô? Allô, Sarah? Oui, c'est moi. Comment tu vas? Ah, ça fait plaisir, ça raccroche pas au moins. Oh là, Dieu, on t'a fait ça. Tu as raccroché ? Non, bah, ça raccroche, Sarah, ça raccroche. Ah, ouais, j'ai pas compris. Allez, facile, c'est ça. Drôle. Ouais, désolé. Comment tu vas ? T'es en pleine forme ? C'est pas drôle. Ça, bah, je suis fatiguée. Ah non, déjà ? Et ça va. Ah, pourtant, il est tôt, là. Il est quelle heure ? Il est 22h. Mais laisse tomber. Camille, arrête. Je me suis levée tôt. Ah, j'ai le chien, là. Il arrête pas. Mais... J'arrête pas. Ah non, j'arrête pas. Attends, j'ai le chien, il arrête pas de me lécher là. Oh là là, quel canasse. Comment il s'appelle ton chien? Camille. Camille, il s'appelle. Camille. Et j'arrête pour ça, Camille. Ouais, ouais, ouais, j'ai un petit. Ouais, c'est une petite chienne. Ouais, elle a deux ans. Elle a deux ans, la petite chienne. T'aimes bien les chiens? D'accord. Ouais. Bah oui. Ah bah ça va. Moi j'ai mon t-shirt chez moi. Ah ouais, putain, j'ai bouffé un couscous là, il est pas passé là. Excuse-moi. Excuse-moi Sarah. Ah, il faut pas garder dans le ventre, apparemment c'est pas bon. Tu savais ça? C'est médical. Ouais. Ça va, hein? Non, je rigole avec toi. Hein. Oui, d'accord. Bah, qu'est-ce que tu racontes sinon? Ça va. Ça va avec ton pote en fait, t'es avec un pote. Ben là. Et ça se voit à 10 km. Non, je te jure que non, je te jure. Ça se voit à 10 km. Hé, Cali, regarde écoute. Hey, hein? Sincèrement, il y a un mec qui rentre derrière. Mais non, je te dis. Il me dit comme quoi, sincèrement. Tu parles avec qui? Tu parles avec moi ou ta copine là? Hey, je t'appelle, tu parles avec ta copine? Bah non. Déjà, tu me cries pas dessus. Alors déjà, tu me cries pas dessus. Ah, je te crie pas et dessus, Sarah. Oh là, tout de suite, tu me prends mal. Je te sens fatigué, toi. Hein? Et en plus de ça, tu rentres au téléphone. Non, j'ai pas roté, je te dis, j'ai mangé un truc là, il passe pas. Ça te fait jamais ça? De ouf. Ça te fait jamais ça? Hein? Bonsoir. Bonsoir. Ah, c'est qui? C'est son ami Cali. Cali? Ouh, j'ai envie de la câliner, Cali. J'avais de la câliner, la petite Cali. Cali, câliner. Ah. Ouais, c'est non, un petit jeu de mots, c'est comme... Oh là là, faut rigoler un petit peu, là. Tu sais, t'aurais été mon genre, j'aurais pas dit non. Mais t'es pas mon genre, du coup. Je suis pas ton genre de mec. Pourquoi? Non. T'aimes pas les photos? J'aime bien les gens atypiques, moi. Ah ben, je suis atypique, alors, regarde, j'arrête pas de rire. Non, arrête. Tiens, arrête, je te fais rire. Non? Il a rire, mon... Ouais, hey, Cali, si Sarah veut pas me voir, on se voit tous les deux. Tu vas voir. Tu vois, là, ma typique. Qui pique. Qui pique. Attention. J'ai le petit dard qui pique, moi. Qui pique. Eh, mais t'es pas très normal. Ah, si. Ah, ben, moi, je suis joyeux, hein, tu sais. On m'appelle joyeux dans la vie. Non. Tu connais les sept nains? Moi, je suis joyeux, moi. Et toi, c'est Blanche-Neige. Bon, on se voit, Cali, ou pas? Non. Non? Bon, Sarah, non. On se voit? Non. Bah, allez, ça dégage. Allez, ciao. Et le mec, il a appelé son chien, Cali. Ça devait être Lex, les amis. Oh là là, quel ouf. Mais celui-là, il va me tuer. Il va me crever. Je vous le dis, les amis, franchement, quelle barre de rire. Dites-moi qui a gagné la battle de séduction sur Snap, R-I-C-O, NRJ. Et ça y est, c'est le moment. David va faire la déclaration à son fils. Il veut lui prouver qu'il est fier de lui. Il veut l'adopter. Et ça, ça va se passer en direct sur NRJ. Open mic. Jam. I see you walking with a hippie dance. Your neon skirt pants are turning ugly into Neverland. Yeah, you're smiling and taking my baseball cap. I want you to be my number. I want you to be my number. Rico Show. De 20h-23h. Vous allez délirer toute l'année avec Aymeric Bonnery sur Énergie. Eh oui, c'est votre émission 0870-42-48. On vous attend. Les dossiers tabous arrivent. Et oui, ce soir, ce sont les dossiers parce qu'il y a beaucoup de choses. On est coquin mais correct le mardi. Et là, croyez-moi qu'il y a pas mal de choses dont il faut qu'on parle, de pratiques, de chiffres, d'envie, de façon de faire autour du sexe. Hein. Ce sera coquin mais correct, évidemment. Mais là, David, c'est le grand moment. Notre David, il a besoin de dire quelque chose à son fils. David, t'es là, mon poulet ? Ouais, je suis toujours là, Rico. David, t'as 41 ans, t'écoutes l'émission. Et mon David, si tu nous appelles, c'est parce que, justement, t'as envie de montrer à ton fils que tu l'aimes. Parce que tu nous as dit qu'évidemment, tu l'as rencontré, il avait 5 ans. C'est ça, David ? Ouais, c'est exactement ça. En fait, c'est plutôt sa maman que j'ai rencontré. Mais, ouais. Et du coup, comme on a vécu après un petit peu ensemble, on est toujours ensemble même d'ailleurs. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Pierre. Ouais. Et du coup, voilà, c'était un petit peu compliqué parce que son papa c'était un ancien bandit. Bravo. Il est décédé, donc voilà, c'était compliqué. Je voulais pas prendre la place du père, mais en même temps, je l'ai aimé comme mon fils et je l'aime encore comme mon fils. Et je rêve que d'une chose en fait, c'est de l'adopter. C'est la meilleure manière que j'ai trouvé pour lui donner tout mon amour. Mais j'ai besoin de vous pour savoir parce que moi je suis sûr et je suis sûr de ça. Mais je sais pas si lui est autant fier de moi que je suis fier de lui. Enfin, c'est compliqué, ouais. j'ai besoin d'un peu d'aide, quoi. Ouais, et puis tu me disais que c'était compliqué. Au début, t'as mis des distances parce que t'étais pas sûr non plus de ton couple. Et là, pour toi aussi, c'est une manière de le prouver devant tout le monde qu'effectivement, ça n'a jamais été une forme de rejet, mais au contraire, une forme de pudeur et de préserve. Voilà, de respect, t'as essayé de préserver tout ça, hein, David. Exactement, et puis j'ai été un peu sévère aussi avec lui, mais pour qu'il soit sur le droit chemin. Ouais. Et voilà, c'est vraiment de l'amour. C'est que de l'amour, mais voilà, j'essaie de l'aimer comme un père. Et aujourd'hui, je veux l'adopter, je veux lui montrer que je veux être son père, mais d'une manière un peu légale, quoi. Ouais. Ouais, je comprends, mon David, et renforcer ça devant tout le monde, c'est beau, ça, ouais. c'est beau. Ouais. C'est beau. Et David, on va le faire en direct. Tu vas l'appeler, il sera pas du tout au courant. Ce sera à toi de lui annoncer là, dans une minute, que t'es en direct okay. à la radio. Mais Sylvain veut réagir parce que il se reconnaît un petit peu dans cette histoire, lui qui a été adopté finalement. Oui, non, mais déjà, je pense que David, il l'a adopté depuis longtemps dans son cœur. Ouais. Et là, c'est juste une formalité, tu vois, ouais. une paperasse, un coup de paperasse. Ouais, voilà. Mais c'est beaucoup. Mais c'est oui, comme un mariage que pour certains, ça représente. Et surtout quand t'as pas de repère comme un gosse, de se dire, voilà, j'ai un papa et de l'avoir, ça va le permettre de se construire en tant qu'homme. Voilà. Et moi, j'ai connu cette histoire avec mon papa biologique parce que je l'ai pas connu quand j'étais petit. Ouais. Et c'est mon père qui m'a adopté à l'âge de. J'avais 2 ans. Ouais. Ah. Donc pour moi c'était mon père, voilà, ça a été toujours mon père et ça restera toujours mon père, ah oui. Ouais, bien sûr. Soit biologique ou pas biologique, ouais. C'est lui qui m'a appris les valeurs de la vie, qui m'a appris l'amour, enfin voilà, qui m'a élevé, qui m'a donné des valeurs, voilà, donc c'est pour ça. Donc je comprends tout à fait David. Et David, t'inquiète pas, s'il t'aime, il va te dire oui à 100%. Ouais ouais, mais j'espère. Et David, il est en train de stresser. Mais David, quand on s'est eu cet après-midi au téléphone, tu disais aussi que c'était une attente de sa part. C'est juste que là, tu te dis, voilà, je fais un truc, tu es en train de baliser, mais t'inquiète, ça va le faire. Lui, il attend que ça. C'est ça. Finalement, c'est être représenté et avoir un repère, une épaule et créer tout ça, ma ça. C'est ça, et surtout qu'il va porter ton nom officiellement là, maintenant, il va pouvoir le porter. Ouais. Et ça, c'est un beau cadeau. Ça va être fort, JM. Non, franchement, c'est magnifique. Et en plus, il n'y a pas de raison qu'il dise non. C'est juste que, voilà, vous avez passé un super bon moment, ça va être énorme. Et vous allez l'enregistrer, vous allez l'avoir en podcast, vous allez vous le repasser la semaine prochaine histoire de Noël. Moi je pense qu'il va être content. C'est pas une demande, hein. c'est juste une officialisation. Une officialisation en direct, en clair. Moi je pense qu'il va être comme un fou, David. T'es pas sur une demande en mariage. J'espère de tout cœur. J'espère vraiment de tout cœur. Je l'aime vraiment comme mon fils et je vous jure, franchement, j'ai vraiment envie qu'il dise oui. Mais vraiment. T'inquiète, mon David, ça va le faire, mon poulet, ça va le faire. Et Pierre qui roule n'abasse pas mousse. Ah ouais, merci. Oh là là. David, il sait pourquoi il a l'alarme à l'œil, là. Allez, il y aura les dossiers tabous aussi. On appelle son fils. Allez, on y va. Le docteur Jacob Jolidge, un chercheur de neurosciences cognitives, a mis une formule qui évalue la capacité d'une chanson à nous rendre heureux. D'accord. Bon, je vous l'ai fait écouter. Oui, vas-y. Ça, tu mets ça quand tu cours plus vite. Ah, c'est vrai. Tu sais quoi, dans ta pite, t'en peux plus. Les 3 dernières minutes, tu sens que tu vas pas les passer, tu mets ça avec tes Rocky. Tu te taperais dans un jambon qui pend. C'est Coé, c'est à 17h, c'est sur Énergie et en podcast sur énergie.fr. Salut, c'est Coé. Toi qui, par chance, s'est fait piquer ses clés de voiture hier soir. Toi qui a parlé toute la soirée avec un lampadaire. Toi qui a dormi avec ta perruque fluo. Et toi qui est rentré entier ce soir-là. N'oublie jamais de remercier ton Sam, le conducteur désigné. Et pour lui montrer votre respect, tentez de gagner 2 places de concert énergie pour vous et votre Sam. Partagez votre Sam expérience avec le hashtag Respect Sam Énergie. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Respect, Sam. Jeu jusqu'au 30 décembre 2018. Règlement sur énergie.fr. Gagnez toute la journée votre compil Énergie Hit 2019. Tous les plus gros hits sont réunis sur 3 CD. Avec en exclu Tadjo, David Guetta et Anne-Marie, Amir, DJ Girac, Soprano, Sia, Shawn Mendes, Claudio Capeo, Vita et Slimane, Dua Lipa, The Prince Karma, Dinoro et Gigi D'Agostino, Big Flo et Oli. La compil Énergie Hit 2019, vendredi dans les bacs. Tous les soirs, 20h-23h, avec Aymeric Ponnerie sur Énergie. Ça y est, c'est le grand moment, les amis. On est là jusqu'à 23h. Derrière, on parlera un petit peu cucu, mais on sera coquin, mais correct. Vous le savez, on a David. C'est le grand moment, mon David, si vous nous rejoignez. David, ouais. C'est parti. Tu vas officialiser ça. Tu as rencontré ton fils à l'âge de 5 ans. Je dis rencontré parce que tu as rencontré évidemment sa maman. Tu étais beau papa. Ouais. Il a eu un parcours chaotique avec un papa biologique qui était un peu bandit, ouais. Voilà, qui est décédé maintenant. Et tu as élevé cet enfant. Je sais qu'il t'en a beaucoup voulu puisque tu l'as pas trop assumé au départ. En tout cas, c'est ce que ça renvoyait. Tu m'appelles pas papa, t'étais froid, t'étais distant. Et lui s'est posé beaucoup de questions dans votre relation. Et toi, en fait, t'étais pour le préserver d'un deuxième échec qui aurait pu être préjudiciable dans sa vie de jeune homme et d'adulte par la suite. Aujourd'hui, il a 19 ans. Tu es sûr de sa maman, tu es sûr de l'amour que tu as pour lui. Et tu veux l'officialiser en direct sur Énergie et lui dire que tu l'aimes et qu'évidemment, vraiment tu as envie qu'il devienne ton fils s'il le veut bien et que tu puisses l'adopter. Faire tout ça sur énergie pour toi, c'est une preuve, c'est ça mon David hein. Ah ben, clairement, ce serait une belle preuve. Et en plus, il adore la radio. Ouais. Je pense que ça sera, la portée sera d'autant plus forte que ça soit sur la radio. Et là, je le dis pas seulement à lui, je le dis aussi devant toute la France. Et voilà. C'est beau. Très bien. David, c'est le grand moment. Tu l'appelles, nous, on n'est pas là. Quand tu veux, si tu veux amener un peu de poids à cette démarche, tu fais appel, tu dis que tu es dans le Rico Show sur énergie, nous on apparaît et ça renforce ta demande, donc t'hésites pas justement à demander, à lui dire, en tout cas c'est toi, et c'est un appel des plus classiques, ok? Ok, ça marche. Ok, tu l'appelles normal et puis nous on est là, on te suit. Ouais, on te suit. Ok. On est au cul mon David, dis-lui ce que t'as sur le cœur, pense à tout ce que t'as envie de lui dire, vraiment fais comme tu le sens, ok David? Ça marche. C'est parti. C'est parti, j'aime. Et si tu bugs, passe la balle à Rico parce que si M Blanc en radio, c'est la merde. Non, parle avec le cœur, ça va aller. Si tu bafouilles, voilà, tu dis, c'est un grand moment, c'est un grand moment de ta vie. C'est David qui parle à son fils et qui adopte son fils, en quelque sorte, ce soir, devant vous qui êtes témoin de ça, c'est magnifique. On appelle. Allez, mon David, courage. C'est parti. Ça va le faire, David. Respire. Allez, nous on parle plus, on te laisse faire. On coupe. Allô? Allô, Pierre? Oui. Ouais, ça va? Ouais, et toi? Ça va. Écoute, je t'appelle parce que ce soir, je voulais te dire quelque chose. Ça fait maintenant plusieurs années que je suis avec ta maman, que je t'ai élevé, que je t'ai aimé comme mon fils. Ça tu le sais, je sais qu'il y a des fois t'as l'impression que je suis pas à la hauteur ou tu penses que toi t'es pas assez à la hauteur pour moi. Écoute, c'est un peu compliqué, mais écoute, je t'ai aimé comme mon fils. Et ce soir je veux t'aimer mon fils, tout court. Et j'ai juste envie de te dire que ce soir, j'ai envie que tu portes mon nom et que tu sois vraiment mon fils, que ça soit reconnu. Je veux t'adopter, Pierre. Et pour en plus te donner toute la sincérité de ma démarche, je fais ça en direct sur Énergie, devant toute la France, dans le Rico Show. J'espère juste que tu vas être d'accord. Et je t'aime plus que tout. Je veux que tu sois mon fils, Pierre. Je t'aime plus que tout. Je veux t'adopter. Je veux juste savoir si tu es d'accord. Bah, bien sûr que oui. Pierre! C'est mon fils! Oui. T'es en direct sur Énergie, je m'appelle Aymeric Bonnery, mon surnom c'est Rico, t'es dans le Rico Show, il y a Sylvain, il y a Sarah, il y a JM, il y a tout le monde et ton papa, il voulait faire ça devant tout le monde pour te prouver son amour, pour te prouver qu'il t'aime et voilà, il kiffe, c'est votre moment, vas-y mon David. Pierre, je t'aime plus que tout, voilà. C'est mon fils, voilà. Et franchement, encore une fois, merci parce que grâce à Rico et. Je peux te le dire, j'ai osé te le dire et franchement, je t'aime mon fils, je peux te dire que ça, je t'aime plus que tout au monde. Mon Pierrot, ça te fait quoi mon Pierrot? Bah c'est vrai que j'ai quand même les frissons quand même pris. Voilà, c'est beau. Et... Bah oui, mais franchement, je m'attendais pas de ta part et il m'a foutu la norme à l'œil, voilà quoi. T'es content? Tu l'aimes ton père? Oui. C'est vraiment surprenant parce que je pensais pas qu'il allait faire ça pour moi c'est vraiment touchant. C'est beau. Écoute, c'est Pierre, bien. David, on vous laisse savourer et ça restera un moment gravé dans l'histoire du Rico Show sur Énergie. Et pour vous, on vous fait plein de bisous, Pierre et David. On vous souhaite un joyeux Noël et on est heureux que ça se fasse. Et Pierre, c'est bon, t'acceptes que David devienne ton père, c'est l'idée te plaît? Bah oui, mais là il m'a vraiment foutu les frissons, mais comme jamais. C'est terrible. Et moi je suis le plus heureux, mais t'imagines pas comment. Franchement, je t'aime tellement. C'est je t'aime adorable. C'est beau, je les kiffe les deux. Ah là là, on va les laisser discuter, c'est beau. Ouais, on va se faire les dossiers ta bourse, mais on se met Drake et je lis tous vos messages. RICO énergie sur Snap, RICO énergie sur Snap. Quel beau moment. Franchement, c'est un kiff, c'est Noël. La famille. pendiente a ti, pero tú puesta pa' mí, haciendo que me odien más, porque todos te quieren probar. Lo que no saben es que no te dejas llevar de cualquiera, y todos te quieren probar. Lo que no saben es que hoy yo te voy a buscar. Yeah, yeah. Dile que tú eres mía. Está mi respirar, yeah. Contigo veo todo como en espiral, yeah. Quiero tirarnos fotos y que se hagan mirar, yeah. Tus ojos me concentran como Adderall, contigo me sube el overall, yeah. Te toco y hasta el mundo deja de ir, yeah. Para nosotros ni la muerte nos va a separar, yeah. Bebé, yo soy tuyo nada más. Dile que conmigo te vas, que dejen de tirarte, brr, que a ti nadie va a tocar. Dile que tú eres mía. Que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía, tú misma lo decías, cuando yo te lo decía. Yo soy tu Romeo, pero no santo, a tu cobo con la for y lo espanto. Ya me quieren desde que yo canto, pero yo soy tuyo nada más. Yo soy tu Romeo, pero no santo, a tu cobo con la for y lo espanto. Ya me quieren desde que yo canto, pero yo soy tuyo nada más. C'est un bonheur d'être avec vous sur LRJ jusqu'à 23h. Franchement, quel moment de radio on a vécu tous ensemble. Franchement, c'est un des plus beaux moments que j'ai vécu dans le Rico Show, nous dit Savage. Et un super moment, je suis très touché, nous dit Betty. Et Charles dit très émouvant, l'appel des centaines de messages sur le Snap aussi. Vous êtes comme des fous et je suis content qu'on ait pu le faire, franchement. J'en peux plus de vous, vous me faites rire et à la fois vous me faites pleurer, nous dit Vivien sur Snap. Franchement, vous êtes tous présents et ça fait plaisir. On pleure tous les soirs, mais c'est sûr, c'est du bonheur. Merci, j'adore, nous dit Tanguy. C'est vrai, c'est ça, c'est Noël, c'est Rico Show, c'est les valeurs de cette émission. On est avec vous, pour vous, et vous n'hésitez pas à venir. 0870 42 48. Je suis content pour David et Pierre qui vont passer un Noël magnifique. Je pense que c'est le plus beau cadeau pour Pierre, qu'on sent avoir eu des nouvelles sensations. Tout de suite, il avait les frissons, c'était magique. C'est le dossier tabou. Ce soir, mon Rico, il paraît qu'il y a du gros dos. Ce sont les dossiers tabous du Rico Show sur Énergie. Eh oui, ce soir, c'est les dossiers tabous du mardi. On est toujours coquin, mais correct. C'est la devise. Et ce soir, ça échappe pas à la règle. On va notamment parler d'une devise, d'une chose assez coquine. Là là. Déjà, on va commencer doucement parce que ça va aller de plus en plus chaud. Premier dossier que je prends de la pile, les odeurs dans le sexe. Certaines odeurs ont une charge érotique puissante. Vous aimez quand ça sent fort, vous aimez sentir le sexe. A priori, c'est quelque chose qui vous plaît, Sylvain. Bah forcément, on est des animaux. Ouais. Bah oui, donc on aime bien un peu les phéromones qui dégagent de la femme ou de l'homme, tu vois. Ouais, a priori, vous tombez même amoureux de certaines odeurs et il y a des odeurs qui vous rappellent le sexe, évidemment. Ouais. Bizarrement, tu vois, moi, des fois, le vendredi soir, je sortais sans prendre de douche avant. Ouais. Donc j'étais un peu, tu vois, journée. Ouais, tu sentais le mal. Voilà, je sentais le mal. Eh bien, figure-toi qu'à chaque fois, je pécho. Ouais. Non, à l'époque, je te jure. Alors que quand j'allais un peu frais, tout ça, je te promets. que ça facilitait. Je sais pas si c'est lié ou pas. Peut-être je me fais des films. Il y a eu de vraies études. A priori, une nana, quand elle est indisposée, elle sécrète et elle dégage moins d'odeurs qui vous plaisent à vous les hommes. Mais c'est très animal, hein, ce que je vous dis. C'est au niveau du nez. A priori, quand vous êtes en période avec des pics d'œstrogènes, etc., de fécondité, vous a priori, hein, c'est une étude très sérieuse, vous dégagez, vous les filles, comme les hommes quand on a envie, des odeurs qui vous amènent l'un vers l'autre. Alors c'est imperceptible forcément au nez, mais vous dégagez une odeur un peu meilleure. Vous savez, souvent on dit les corps ont des odeurs, j'aime son odeur. Il y a des gens, tu vas chez eux, ils sentent une odeur. Et c'est un petit peu ça. Et c'est pour ça que les chiens, tous les animaux, quand on a justement nos menstruations, sont attirés par notre. Ah, ils vont à la gamelle. C'est incroyable. C'est terrible cette histoire. Et Magali, elle est hyper sensible aux odeurs. Elle a fait le 0870 42 48. Ça va, Mag? Oui, bonsoir l'équipe. Salut Mag. Tu te reconnais dans ces odeurs, toi? Ça t'attire? Moi, je suis hyper sensible, ouais, effectivement. Il m'est déjà arrivé de prendre le caleçon de mon conjoint et de le sentir discrètement. Ah ouais, t'es à fond, toi, c'est les odeurs. Et moi, j'avais un docteur qui était un ami à moi qui me disait le sexe bien fait, ça pue. Arrête. Ça sent le sexe, ma foi. Docteur. Ben évidemment, je suis là, monsieur, c'était moi. C'était toi déguisé. Et Magali, toi, t'adores ces odeurs-là? Bah oui, il y a un petit goût, il y a une petite odeur, toutes ces choses-là, ça m'émoustille un petit peu, donc ça m'excite quelque part, et voilà, c'est une odeur bien atypique, hein, c'est son odeur. Ouais. Bon, il est pas au courant, hein, mais... J'ai déjà entendu des nanas qui demandaient à des mecs de ne pas se laver, d'être un peu négligées, parce que elles aimaient ça, elles étaient attirées par cette odeur un peu de mal. Moi, je suis dans une poissonnerie, et ben ça m'excite tout de suite. L'odeur du poisson, ça m'excite. Il est fou, c'est dégoûtant. Moi, franchement, les odeurs me répugnent. Des fois, je retiens carrément ma respiration. Attention, c'est dans les deux sens. L'odeur, c'est pas forcément négatif. Une fille qui sort de la douche, qui sent très très bon, je trouve ça hyper excitant. En plus, il y a des petites crèmes, je fais pas de pub, mais comme les Victoria Secret que vous mettez sur votre peau et tout. Tu sais, ou des crèmes parfumées. Hein, on fait dans tout. Vous mettez cette petite crème et puis vous sentez l'odeur. Peut-être à la framboise, les fruits, etc. Je trouve ça hyper excitant, mais il y a tout type d'odeur. Hein. Ben, dis-toi, ils s'en sont même servis pour faire de nouveaux types de rencontres. En fait, ils te demandent de porter un t-shirt à toi, au mec et à la meuf, et après ils mettent dans un sachet, tu le portes la nuit, tout ça et la meuf en fait elle sent l'odeur du t-shirt et des fois ça match, et après malheureusement des fois ça peut pas matcher parce que le physique ne va pas avec, mais en fait à l'odeur les couples se forment et après c'est pas mal, c'est des reportages, mais ouais c'est ça. Mais dès l'enfance le doudou quand il est lavé tu l'aimes pas parce qu'il sent plus pareil, ça vient de ça, t'aimes le doudou qui la bave. Est-ce que vous aimez vos propres odeurs de sous-vêtements par exemple? Ah oui, non mais c'est une question que je me pose. Il renifle. Moi, je renifle, si je peux le remettre deux fois. Lui, c'est l'odeur du nez. Magali, merci d'être passé. En tout cas, on te fait plein de bisous et bonne odeur. Merci. On te kiffe. Merci, Magali, vraiment d'être passé. On te fait plein de bisous. On va te faire un petit cadeau. Tiens, j'ouvre un autre dossier. Allez. Vous voulez bien, les amis? Vas-y. Oula, il est chaud celui-là. Alors. Oula, on va peut-être attendre un peu. Te brûle pas. Oula, celui-là, il m'a brûlé les. Ah oui, il m'a brûlé les doigts. Il y a un dossier, je vous le dis, il reste deux dossiers. On a un dossier sur Sylvain. Sylvain qui a une application de rencontre uniquement basée sur le sexe. Oh. Il est là-dessus depuis des mois et je peux vous dire c'est comme en fait un TripAdvisor du sexe. Mais non. C'est-à-dire que Sylvain, la personne, c'est un restaurant. Il a reçu des témoignages par rapport à ses performances sexuelles et il a émis des témoignages par rapport aux performances sexuelles des filles qu'il a rencontrées. Je ne savais pas que ce site existait. On fait le point avec Sylvain, mais on souffle avant Rita Ora, hein, les amis, qui sera chez Koé jeudi. Ah ouais, cool. Ouais, on va les mater. Je vous le dis, elle est magnifique. Should have stayed with you last night instead of going down to find trouble. That's just trouble. I think I run away sometimes whenever I get too vulnerable. That's not your fault. See, I wanna stay the whole night. It gets too real, and every time I feel I sabotage it, I start running, and every time I push away, I really wanna say that I'm sorry, but I say nothing. I wanna stay the whole night. I wanna lay with you till the sun's up. I wanna let you inside. Oh, heaven knows I've tried. I wish that I could let you love. Wish that I could let you love me. Wish that I could let you love. Wish that I could let you love me. Say, what's the matter? What's the matter with me? What's the matter with me? Oh, I wish that I could let you love. Wish that I could let you love me now. I wish, oh, wish, oh, wish, oh, wish I. I wish, oh, wish, oh, wish, oh, wish I. I wanna stay with. À fêter le nouvel an avec vous pendant plus de 10 heures en direct sur Énergie pour un moment magique et unique qui s'annonce inoubliable. Alors notez ce qui va suivre pour assister à l'événement de cette fin d'année le 31 décembre, ici même à Paris, dans les locaux d'Énergie. Eh oui, ce sera énorme. Ricochot public, public avec un C à gmail.com. Ricochot public avec un C à gmail.com. Ça va être énorme, les amis. Il y aura des cadeaux pour tout le monde. Il y aura à manger pour tout le monde. Il y aura une soirée exceptionnelle. Il y a déjà plus de 50 inscrits, je vous le dis. Wow. Hein, ça tombe, ça tombe, ah ouais. Ça tombe, ça tombe, ça tombe, ça tombe. Ça va être énorme, les amis. Ah. On va se faire une soirée de dingue. Désolé si on ne répond pas à tout le monde. On essaie de répondre un maximum. Ouais, ouais, ouais. Et puis de faire le maximum pour que vous puissiez venir. Il ne nous reste plus beaucoup de place. Donc foncez, les amis. Ou vous faites le 0800 70 42 48. On sera en direct pour 10 heures. Alors on est dans les dossiers tabous. Hein, ce soir c'est les dossiers. Il y a du très très lourd. Avant que Sylvain nous parle de ce site de rencontre ouais. Où on peut se rencontrer pour discuter un peu comme un TripAdvisor. Vous donnez aussi les résultats de la battle de séduction. Vous votez. C'est en cours pour savoir qui l'emporte. Ouais. Mon Sylvain, je sais qu'il y a un site un peu comme TripAdvisor. On peut se mettre des notes et des témoignages. Ouais. Oui, c'est un petit site coquin mais correct. Hein. D'accord. Enfin pas très correct. D'accord. En fait, c'était Net Échangisme avant. C'est Net Échangisme avant qui s'appelle maintenant Wide. Wild, d'accord. C'est une plateforme de coquins qui se retrouvent dessus. D'accord. Et en fait, donc il y a des rencontres qui se font ouais. Entre couples, entre hommes et entre femmes seules. Donc ça discute, ça discute. Ça discute, ça se rencontre. Et chacun a un profil. Voilà, chacun a un profil. Comme un restaurant dans lequel on vient dîner, quoi. Exactement, ah. avec des pseudos, parce que voilà, tu dis pas tes noms dessus. Oui, d'accord. Et une fois que tu as fait la petite rencontre, ouais. Et ben, tu peux mettre un petit commentaire. D'accord. Voilà. Donc soit tu manges du 5 étoiles, soit tu manges du 4 étoiles. Mais ouais. Comment ça se fait la rencontre? Vous discutez, t'apprends à te connaître un peu. Ouais, c'est comme Tinder, tu vois. Ça match, dès que ça match. Non, mais il y a pas un match. Tu consultes des profils, non? Oui, tu consultes des profils, mais bon après il y a. C'est quand un peu comme un Facebook. Voilà, c'est un petit Facebook où tu parles de voilà, tu parles de tout, de cucu surtout. Oui, hein, bah d'accord, ouais, bien sûr. Et après une rencontre qui se fait, et une fois que la rencontre se fait, ouais. Et ben il y a la petite note. Et ça marche bien aujourd'hui. La technologie et le sexe, c'est assez fort. Et t'as fait beaucoup de rencontres là-dessus. Ah ouais, ouais, non, bah, de toute façon ça a été décliné parce que Net Échangisme avant c'était une plateforme un peu ordinaire. D'accord. Et là ça a été décliné en Wide, qui s'appelle d'accord. Wide le site, ouais. Le site. Et en fait c'est comme un Facebook, tu vois. D'accord. Genre tu peux noter les photos, tu peux mettre des commentaires sur les photos. Ah ouais. Tu peux voilà, il y a plein de suites. Et toi tu vas pouvoir faire des stories dessus, tu sais. Ouais, ouais, non, mais presque. Ouais, ah, presque. Ouais, tu peux faire des directs et tout. Tu peux faire des directs live, tu peux d'accord. Faire des webcams, tu peux faire plein de choses. Ah ouais. Et tu peux rencontrer des couples ou des femmes seules. Exactement, des couples, des femmes seules. Il y a des soirées organisées. Des hommes, enfin voilà, il y a tout. Hein. D'accord. Et puis il suffit de t'abonner à l'application. Ça t'intéresse mais, à ça hein. Mais pas du tout. Ça me dégoûte même. Oh, ça m'intéresse pas du tout. C'est basé que sur le sexe. Tu parles pas aux personnes. Bah si, tu parles aux personnes ouais, forcément. Vite fait. Ça discute, il y a de la rencontre quoi. Ouais, il y a de la super. Rencontre autour d'un verre ou autour d'une chips ou autour d'une table. Alors, je vais vous noter, Sylvain a reçu des commentaires après avoir fréquenté des jeunes femmes. Ouais. Il a notamment Lolola qui lui a dit voilà, ne pas se fier aux apparences, un mâle qui a de la discussion est très sympathique. C'est-à-dire quand tu vois un premier rapport, c'est t'as l'impression que c'est un monstre, que c'est un neuneu. De la puissance et de la maîtrise. striptease qui m'ont procuré un orgasme incroyable. Non. Un dominant, un vrai, un mâle alpha. Voilà. Oh là là. Tout est dit. C'est énorme. Mais c'est vraiment pour les fins gourmets du sexe, en fait. Ça te note comme un repas, quoi. On dirait que c'est un repas gastro. Et puis, il a également écrit, hein, puisque lui aussi, en retour, témoigne des rencontres qu'il fait. Il met des petites notes, tu vois, des témoignages, vraiment. Ton surnom, parce que ça s'appelle Tibi Boon, ton surnom pour toi, c'est Miss 2 sur 2 pour ma part. On s'est dit bonsoir d'une façon très sympa. J'ai aimé te sentir sur moi, même. J'ai épargné. Une femme à croquer que je vois encore à croquer à pleine bip. C'est très fort. Bravo, bravo Sylvain. Mais il est malade, ce mec. Voilà, ça, c'est Sylvain qui laisse. Il laisse un avis. C'est comme TripAdvisor. Voilà. C'est BitAdvisor. Il est con celui-là. Allez, Sopra, je vous en lis quelques-uns ou pas? Est-ce que vous en voulez d'autres? Vous dites, les amis. 0800 70 42 48. Il est phénoménal. Et puis on parle du dernier dossier tabou dans la foulée qui est complètement fou. J'en ai encore. Est-ce que vous en voulez plus ou pas? C'est un phénomène. Oui. Le gars, c'est un écrivain. Je pense que je vais vous en lire 2-3 de plus. Dites-moi ce que vous en pensez. RICO NRJ sur Snap. Alléluia, alléluia. Hermano Sopran Baba. Hermano Shaouela. Je suis toujours resté le même. Je suis toujours resté franc, oui, comme ma première Sassem. 20 ans au-dessus de la mêlée, je ne sais pas m'arrêter, je sais que je devrais en laisser. Mais bon, je ne sais que les dresser, car j'ai ça dans l'ADN. Non, je ne sais pas faire autrement, je ne sais pas faire doucement. Je les entends me tailler, normal, on taille que les diamants. J'ai dû hériter de la baraque de mon voisin Zinedine. À la baraque, il y a une décennie de trophées, mais que des retournés à la Gareth Bale. Les baffes, leur donner le tournis quand tombent les tout derniers chiffres. De leur carrière, j'ai pas tourné la page, mais j'ai plutôt fermé le livre. Mélanger les styles et les gens depuis tellement d'années qu'ils n'arrivent plus à suivre, donc obligé ce soir de leur expliquer ce qui leur arrive. Viens, zoom, zoom, zoom, comme Diego dans la Bombonera. Comme Savastano dans la Scampia. On vient rentrer dans la leyenda. Amis, jusqu'à 23h, on parlait de ce site là dans les dossiers tabous, puisqu'on est en plein dedans avant de vous parler du dernier dossier qui est complètement fou. Hein. Je vous le dis, messieurs, ça vous concerne. Et apparemment, vous demandez aux dames beaucoup de choses assez nouvelles. Voilà. On va en parler puisqu'il n'y a pas de tabou. Le mardi, on est coquin mais correct. Sylvain, on a encore des messages, hein, puisqu'on a appris qu'il y avait un TripAdvisor du sexe. Hein. Vous avez un profil, on vous met des témoignages et vous en recevez. Et Sylvain a dit d'une fille qui s'appelle Carrie, une soirée sous le signe de la lettre B. Vous comprenez la lettre B. Ah. Mais avec toi, j'ai envie de dire la lettre O, comme orgasme, orgie, un plaisir, mais Madame K. Non. Et il a pas fait de jeu de mots sur un dentiste. Non, même pas. Hein, qu'il a bien soigné, hein, qu'il a bien bouché. Il y a Galipette qui dit, puisqu'ils se sont rencontrés, et derrière elle met un témoignage. La chasse fut courte et je me suis retrouvé emprisonné dans tes pattes. Et tes coups de rein m'ont fait rugir de plaisir à en réveiller la voisine. Non, bah, oh. Mille pardons, madame. C'était un safari riche en sensations fortes et coquine comme j'aime. Lui dit ça ? Non, c'est une jeune femme. Non, c'est trop bien écrit. Ouais, c'est une jeune femme. Et le dernier, franchement, il faut que je vous le dise. C'est Mad Katz qui dit aussi sympathique qu'impressionnant physiquement. Voilà. Aussi performant que dominant. Tout s'est décidé en quelques minutes et il a répondu présent à la seconde. Une soirée improvisée mémorable. Le tigre a mangé du chat. Allez, je vous parle du dernier dossier tabou. Mesdames, vous demanderiez quelque chose de très précis aux messieurs. Oui. Ça, oui. Vas-y, quoi ? Oui. La carte bleue ? Une minute, pas plus, chrono, et je vous en parle. Tous les matins, c'est Manu dans le 6-9 sur Énergie. Anna, bonjour. Salut Manu, salut l'équipe. Qu'est-ce que tu aimes, mais t'as un peu honte de le dire. J'aime bien l'odeur du crottin de cheval dans les fermes. Oula. T'aimes bien l'odeur de la ferme ou vraiment spécifiquement l'odeur du crottin de cheval ? Je préfère celle du crottin de cheval, mais l'odeur de la ferme, j'aime bien aussi. D'accord. Ah oui. Très très bien. Après, à ne pas mettre en parfum ambiant chez soi, quoi. Non, bah, c'est compliqué. Alors, chez Anna, il n'y a pas de bougie, mais il y a deux poneys. Manu dans le 6-9. Manu, allez. 6h-9h30 sur Énergie. Salut, c'est Manu. Toi qui l'as conduit qu'à l'aller. Toi qui as dansé toute la nuit avec un serre-tête licorne debout sur le bar. Toi qui as chanté très fort, très longtemps et très très faux dans la voiture. Mais toi qui es rentré entier ce soir-là. N'oublie jamais de remercier ton Sam, le conducteur désigné. Parce que vraiment, tu chantais très faux. Et pour lui montrer votre respect, tentez de gagner deux places de concert Énergie pour vous et votre Sam. Partagez votre Sam expérience avec le hashtag Respect Sam Énergie. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Respect Sam. Jeu jusqu'au 30 décembre 2018. Règlement sur énergie.fr. Énergie Hit Music Only avec Kenji Girac en concert. C'est Kenji sur Énergie. Kenji Girac est de retour partout en France pour sa tournée événement Amigo Tour et le 30 novembre 2019 à l'Accor Hôtel Arena à Paris. Info et réservation énergie.fr, tsprod.com et point de vente habituel. Kenji Girac en concert. Un événement Énergie. Ce soir, mon Rico, il paraît qu'il y a du gros dos. Ce sont les dossiers tabous du Rico Show sur Énergie. Eh oui, les amis, on termine sur ça alors qu'on a appris énormément de choses, hein, amis. Il y a vraiment une histoire qui m'a fait un peu froid dans le dos. Oula. Mais que j'ai envie d'en parler avec vous, messieurs, puisque ça vous concerne. Vous êtes de plus en plus à aimer le pegging. Alors, qu'est-ce que le pegging ? C'est une tendance qui se démocratise. En effet, 17%, c'est un peu ça quand ça pègue. Ah, parce que dans le sud, quand ça pègue, ça pue, ça colle. En effet, 17% de la population française se dit adepte du pegging. Cette tendance sexuelle ne date pas d'hier, elle vient de l'Antiquité et revient aujourd'hui à la mode pour le plus grand plaisir des hommes. Le principe est simple, c'est la femme qui prend le contrôle et qui pénètre son partenaire. Ah. Alors, évidemment, elle a des attirails, elle a une ceinture et tout ce qu'il faut pour faire plaisir. De son côté, l'homme se détend et se prépare donc à cette petite pénétration. Mais moi, je le connais sous une autre forme de nom, et je vais pas te le dire parce que c'est pas vulgaire chez moi. Oui. Pas la peine d'employer des termes anglais. On est coquins, mais correct. Le résultat, une stimulation de la prostate et un orgasme plus intense pour ces messieurs. Par derrière, vous aimez ça, et en plus, quand c'est fait par votre femme, alors que vous n'êtes pas forcément homosexuel. Ça se démocratise. 17% de la population aurait recours au pegging. Sarah. Non, mais les gars, surtout, est-ce que vous aimez vous faire. Pourquoi tu veux dire Sarah ? Parce que j'ai l'impression qu'elle pègue. Elle pègue. Est-ce que tu pègues, Sarah ? Alors, est-ce que surtout vous aimez être pégué ? C'est ça bien la question. Bien sûr. T'aimes ça, mon Sylvain ? Est-ce que t'as déjà essayé le pegging ? Le pegging, là ? Ouais. Déjà, je connaissais pas ce terme. Je connais le terme, mais j'ai pris déjà la phalange, tu vois, mais voilà. Mais non. La petite phalange. La phalange de la curiosité. Qui se transforme. Et vous savez, ce médecin dont je vous ai parlé, qui m'a dit que le sexe ça pue, il m'a dit fais-le. Il faut absolument que tu. Voilà. Et on est d'accord que ça excite beaucoup les femmes. Elles veulent toutes venir. Ouais, elles veulent toutes venir. Et a priori, je sais pas, ça a envie. Non, mais pas du tout de mettre un gosse ceinture et de jouer là. On commence par le petit. Ce qu'on dit, on lui donne le petit doigt, il prend la main. C'est un petit peu stylé. L'expression vient de là. Mettre mon doigt, non. Alors, on va prendre Mathieu qui adore le pegging. Hein. Il va justement en parler. Ça va, Mathieu ? Non. Oui, salut, salut. Salut Mathieu. Il est en séance là. Ça va Mathieu, qu'est-ce qu'il y a? Il y a du monde dans les rétros. Salut mon Mathieu, non, voilà. Raconte-nous, t'aimes bien le pays ou pas? Bah ouais, bah moi, ça me retrouve, j'aime bien, mais comment on dit? Bah, c'est pas un truc que je trouve gay, quoi. Enfin, moi, pour moi, c'est. Non, mais pas du tout, pas du tout, c'est pas la question, on n'a pas dit, chacun fait ce qu'il veut. Non, pas du tout. On n'en a pas parlé. T'es fou, quoi, Mathieu. Jamais. On dit juste que c'est une tendance alors qu'on n'est pas forcément homo. C'est ce que je suis en train de dire. Il faut le dissocier les deux. Mais toi, t'aimes ça, Mathieu? Oui. Bah, oui. Tu veux nous en parler ou t'as pas envie? C'est un peu malaisant, mais Mathieu, attends, Mathieu, tu nous appelles, t'as pas envie d'en parler, tu nous en parles pas. Bah ouais, non. Oui, c'est une bonne façon de se décrisper. Alors, je crois que c'est ta meuf qui t'a jeté le téléphone, Mathieu, je sens bien ces histoires. Non. Bon. Bah dis-nous cette sensation, parce que nous on aimerait bien savoir. Attends, bah, tu peux nous en parler, Sylvain aussi. Ah ouais, parce qu'apparemment. Mais c'est vrai, non, mais c'est vrai, c'est une simulation de la prostate, donc forcément. C'est... Et il paraît que c'est ouf, parce que Rocco Siffredi, paraît qu'il jouit maintenant plus qu'avec ça. Ah ouais, c'est vrai. Il est obligé de finir en se prenant un petit. Mathieu, tu veux nous en parler ou pas du tout? Sinon, on t'embête pas, mon poulet. Ah non, c'est malaisant, vraiment. Ah ouais, mais qu'est-ce qu'il. Pourquoi il. C'est ta nana qui t'a jeté le téléphone, Mathieu? C'est ta nana qui t'a passé le téléphone, c'est ça, mon Mathieu? Ouais. Ah bah t'inquiète pas, on va te faire un petit cadeau. Eh les filles, ne forcez pas vos mecs, ça je vois bien, tu sais, elle est arrivée, elle a dit vas-y tiens. Par exemple, moi mon mec il est chaud pour en parler. Mais c'est vrai, Mathieu, s'il a pas envie d'en parler, on parle. D'ailleurs c'est ça le dossier tabou. Oui, c'est parce que c'est tabou. Et tabou, on y arrivera tous à tout bout. Tabou. C'est gang, c'est tabou. On en viendra tous à bout. Oh mais dégueulasse. Dans le boubou. Non mais vous êtes des ouf les gars. Non mais c'est vrai. Mais on avait eu déjà un témoignage d'un mec, lui c'était pas des gars de ceinture mais c'était des sortes de légumes et tout, ça le stimulait, tu d'accord, sais, ouais, la prostate, il aimait ça. Il aimait ça. Donc c'est un truc fait pour vous messieurs, faut pas que ce soit tabou, demandez-le nous, hein, peut-être qu'on peut accepter sur un malentendu. Ah oui. Oui mais si ça vous branche, vous êtes pas obligé de partir comme ça dans le trip directement, toi tu dis on dirait que ça y est, c'est le non mais une nana ça peut la brancher obligatoirement, c'est une façon de vous dominer et tout, donc c'est plutôt cool, donc mais forcément je pense franchement, que... Moi je suis tombé sur plein de meufs qui vous laissaient, moi j'avoue Rico, mais Sylvain je vous le dis et Sarah aussi, ça m'est jamais arrivé encore. Je te le dis. Non, on m'a fait d'autres trucs plus petits, tu vois, des petits. Des petites léchouilles, tu vois. Mais sinon, la petite phalange, j'ai jamais eu droit. Je vous le dis. JM, je me confie. Ouais. Le message est passé à ta meuf. Ça. Non, elle t'attend équipée ce soir à la maison. Bon, les amis, on a fini de ce dossier tabou. Ouais. Je vais vous parler des chansons les plus agréables pour faire l'amour pendant les fêtes. J'ai du très, très lourd. Happy Hour. I've been thinking, I want you to be happier, I want you to be happier. When the morning comes and we see what we've become, in the cold light of day we're aflame in the wind, not the fire that we begun. Every argument, every word we can't take back, 'cause with all that has happened I think that we both know the way that the story ends. Then only for a minute I want to change my mind, 'cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirits, I want to see you smile, but know that means I'll have to leave. Know that means I'll have to leave. Lately I've been thinking, I want you to be happier, and I'm left there with my thoughts, and the image of you being with someone else, well it's eating me up inside. But we ran our course, we pretended we're okay. Now if we jump together, at least we can swim far away from the wreck we made. Then only for a minute I want to change my mind, 'cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirit, know that means I'll have to leave. Know that means I'll have to leave. Lately I've been thinking, I want you to be happier, I want you to be happier. So I'll go Lately, I've been thinking, I want you to be happier. I want you to be happier. Even though I might not like this, I think that you'll be happier. I want you to be happier. Then only for a minute, I want to change my mind, 'cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirits, I want to see you smile. No, that means I'll have to leave. No, that means I'll have to leave. Lately, I've been thinking, I want you to be happier. I want you to be happier. So Show. 20h-23h. Vous allez délirer toute l'année avec Aymeric Bonnery sur Énergie. Eh oui les amis, on est super contents d'être avec vous. Vous venez, tiens là, vous inscrire d'ici la fin de l'émission pour le nouvel an. 0800 70 42 48, l'appel est gratuit, vous venez. Il y aura des cadeaux pour tout le monde, on va se faire une bouffe de dingue. Plus de 10 heures d'antenne. Évidemment, vous venez, vous partez quand vous voulez, on va se faire un kiff. Non, mais ouais, on sera tout beau en plus, moi j'ai tout misé. On sera tout beau, on va déguiser, décorer, oui. Sarah fera un striptease. Non, on fera le décompte ensemble. On va se régaler, Sylvain. Et t'as vu, elle dit même pas belle, elle dit tout beau. Ah oui, c'est ça. C'est ça. C'est tout beau. Elle planquera le sexe, elle va le scotcher. Le scotcher à l'arrière. Non, mais c'est ouf. Les amis, on parle des chansons qu'on aime pour faire l'amour. A priori, j'ai un gros top 5 des chansons sur lesquelles on aimerait faire l'amour. Et en tout cas, celles qui procurent le plus de frissons lorsqu'on fait l'amour. Ouh, d'accord, okay. On se les écoute. Vas-y. Allez, on accueille Siam. Ça va, Siam? Ça va très bien, salut. Ça va ma poulette, t'es en forme? Ça va, bah oui. Prête à faire l'amour en musique? C'est déjà fait. Oh, tu fais sur quoi toi, Siam? Ah bah moi ça va peut-être surprendre, mais... Barbie Camaro. Girl. Sur quoi? Non, Camaro. Ah, bon petit Camaro. Thank you. Oh là là, c'est rythmé. Ah ouais. Ah ouais, papa. Ah bah, c'est sensuel ça. Mais c'est quoi, c'est plus le rythme qui plaît ou la voix? Bah non, le rythme. Ah ouais, c'est le pim pam pim toi, c'est sur un 2000 tours. Alors que JM sur l'intro il a déjà fini lui. Même pas. Ah mais non, il respecte hein, dès que le chanteur parle il s'arrête. Comme en radio, ouais, t'es fou toi. Dès qu'il arrive c'est énorme. Ok pour Camaro, les amis, j'aime beaucoup ce petit délire. Attention, en cinquième position on retrouve cette chanson que j'aime bien de Barry White. Ah oh, c'est bon ça. Oh, ouais. Ouais. En mode Gruner. Bah ouais, tu imagines Sylvain en ringard. Ah c'est ringard. Ah j'adore, bah. Ça je mets tout le temps ça. C'est plus pour ambiancer un truc comme ça, tu kennes pas sur ça. Ah non, t'ambiances au début, tu vois. La belle-mère, elle aime bien. Non Siam, t'es pas trop fan toi. Bah pour les préliminaires, pourquoi pas. C'est bien pour rythmer la langue. On a aussi tiens, celle-ci en quatrième. Ah ouais. Mais non, t'as envie de pleurer là. Bah ouais, je me sépare sur ça. Vous êtes pas fan? Ah non, non. Moi, c'est qui a fait ce top 5? Ah ouais, bah ça c'est après une dispute ça. Ouais. C'est vrai. Tu crois? On a aussi ça. Ah ouais, mais ça c'est gymnastique ça. Ah ouais. C'est vrai. Celle-là elle est derrière les oreilles. Le porté. Ah ouais, ça. Ah là-dessus tu mets enceinte direct. Ah ouais. Là c'est le porté puis le coucher. Ah ouais. C'était ouf les amis. Et puis on a un petit tiens, on l'a Maurice Ravel ou pas? On l'a Maurice. Tiens, ouais. Mais non! Mais qu'est-ce que tu fais sur ça? Excuse-moi. Bah, ça c'est Birthday Sec. Tu joues de la trompette quoi là-dedans? Mais non, Sarah. C'est Maurice Ravel ça. Ouais, c'est Maurice Ravel. C'est pas Birthday Sec, c'est Maurice Ravel. Mais oui. Non, mais c'est l'anniversaire du sexe que je suis en train de faire. Je suis bilingue ça. C'est le boléro ça. C'est le boléro. I'm bilingue. Yes, I know. Un petit boléro, regarde, un petit boléro. Quel mytho. Tu te prends pour une chef d'orchestre, tu veux de la baguette. Il y a vraiment des gens qui font quelque chose sur ça. Ah bah c'est juste la trompette. Sarah, quand elle ne touche pas son mec, c'est pas mal. Elle, c'est vive le vent, elle. C'est vive le vent, dire. Bon, c'était le top des chansons les plus ripoux. Je vous le dis pour faire l'amour. Et toi, c'est sur quoi, toi? Hein? Toi, c'est sur quoi, toi? Oh, sur ce qu'aime ta mère. Sur Speed. Speed Rabbit. Oh non. Speed Rabbit. Apparemment, Sarah a été déçue de notre dernière entrevue. Il n'en a pas eu. Ah, l'horreur. Bon, ben, si à moi, tu sais quoi, finalement, j'ai envie de rester évidemment sur ton Camaro. Non, mais je suis chaud. Ah, bah. Ah ouais, on y va. Ah ouais. Faut essayer, hein. Faut vraiment essayer. Ah, ta gueule, ta gueule. C'est la même époque. Eh, tu sais quoi? Là, j'ai envie d'un pegging. D'un coup, là, je suis prêt pour oublier tout ça, vas-y. Vas-y, occupe-toi de moi. Pour oublier de Kenji, d'ailleurs. Allez, les amis, c'est un vrai bonheur d'être avec vous. Siam, on va te faire un petit cadeau avant de partir. Et merci, c'est gentil. C'est bon toujours sexe. Un plaisir de vous écouter. Vous vous faites délirer tout le temps. Restez comme vous êtes, changez rien. Merci. On t'aime vraiment. Plein de bisous, Siam. Je te fais un gros bisou. Bisous à vous. Bisous. Ciao. Plein de bisous. Allez, les amis, ajoutez-moi sur Snap. RICONRJ. Je vous le dis, demain, ce qu'on va se faire, c'est qu'on appellera, vous savez, notre pervers. Il va se faire une petite ablation, castration. Ouais. Hein, on l'aura demain au téléphone, c'est promis. Marque. On aura pas mal de délire. Demain, je me demande. Si pour mercredi, ouais. On se fait pas Tinder, VTC et en plus on appelle. Ouais, ouais. La compléto quoi. Ouais. Et Jean-Marc, ouais. J'adore le programme. Ouais. Ah ouais. Et on peut même l'appeler le Jean-Marc de la peur, je crois. Ouais. C'est bien, en plus c'est dans l'émission, ça colle. C'est bon ça. C'est ça que je lui ai dit. J'avais déjà pensé, mais je voulais pas te vexer. Il a fallu qu'on trouve un pervers pour se dire on va le faire. Ben voilà, mais... Allez les amis, je vous dis à demain 20h. On va poursuivre avec Mickaël et n'oubliez pas l'important dans la vie. C'est faire ce qu'on aime. Allez les amis, rideau pour ce soir. On enchaîne avec Mickaël. Ça va Mickaël? Et ben voilà, on le ferme et on l'ouvre d'un autre côté. Voilà, ben c'est bon ça. Et ben exactement. Les trois coups. Ça va, ça a été la soirée. Écoute, ça va et toi? Très bien, très bien, très bien. Le Jean-Marc de la peur. Ouais. C'est-à-dire Ben en fait on a un pervers qui s'appelle Jean-Marc. Ouais. Ah mais oui. Comme on en a un studio aussi. Ben oui, je pensais que c'était lui. J'y vais. Après, il pourrait faire une émission spéciale pour ça. Hein. À acheter un offert. Ah ouais, exactement. Ouais. C'est deux pour le prix d'un. Putain, la soirée de merde. C'est vrai. C'est le bonheur. Ça va vous l'équipe? Ça roule? Ça va. Écoute, tranquillement. Bon. On se prépare à faire le réveillon de Noël. Ah ouais, vous êtes prêts pour la semaine prochaine? Là, c'est 20h. De toute façon, vous avez l'habitude, vous. Les oui. 4h, des 5h, des 10h. Vous êtes mais là. Oui, c'est voilà. Baroudeur. Voilà, on peut voir ça comme ça. Ça baroude. Eh ben voilà. Voilà, Tov va bouffer la dinde. Ah, c'est bon ça. Bonne soirée. Sylvain est avec vous? Je ne sais pas, nous verrons. Vous croyez qu'il allait se faire fourrer? Ah ouais, non. Nous verrons bien. Mais bon. Cela dit, JM est le bienvenu. Hein. Ah bah écoute, il n'avait pas la pression, tu vois. Si vous voulez passer lundi soir. C'est vrai, il y a dinde et tout. Dinde pour tout le monde. Ah bah je sais pas, j'ai demandé au boss s'il y avait moyen d'avoir un repas de Noël, vu qu'on est quand même là Noël, tu vois. Ah bah c'est vrai. Donc à mon avis, on aura un petit McDo. Ah oui, bah écoutez, c'est oui. C'est déjà pas mal. Encore, c'est un petit wrap, je pense. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Donc on verra bien. Le but bon, de Noël. Bah voilà. Bon, kiffez l'équipe, alors. Bah, bonne soirée, les amis. Bisous à tous. Salut. Allez hop là, on écoute le son de Soprano maintenant. Et puis on revient après, évidemment. Comme d'habitude, en direct, 01 40 71 5000. Vous nous appelez, on est là à la cool tous les soirs à partir de 23h. On aura plein de sons, plein de conneries à faire également ce soir. Et puis bon, on démarre avec Sopra sur Énergie. Ma maman m'a dit la vie n'est pas facile, mais plus facile avec un grand sourire. Donc je souris quand j'ai mal à la vie. Car ma maman m'a dit qu'il y a toujours plus maudit. Elle m'a dit donne ça, ça t'en remercie. Vis ta vie comme une jeunesse infinie. Tends toujours la main aux plus démunis. Avant d'être important, sois un homme utile. Elle m'a dit aussi qu'ici tout est fragile. Si tout s'écroule, tu reconstruis. C'est comme ça la vie. Oui, combien de douleurs indélébiles. Combien au paradis. On vit avec cette mélancolie. C'est comme ça la vie. Maman m'a dit laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï. Danse à la vie, à l'amour. Je venais mais surtout qui j'étais. On avait peu mais on savait donner. Elle m'a toujours dit chez nous l'accueil est inné. Sois ce que tu es, te laisse pas colorier. Beaucoup sont morts pour cette liberté. Ne salis pas tout ce qu'on a sué. Mais surtout ne te fais pas marcher sur les pieds. Ma maman m'a dit le monde il est fêlé. Change avec ton humanité. C'est comme ça la vie. Oui offre le monde à ta moitié et à tes héritiers. Offre ta vie entière à les aimer. C'est comme ça la vie. Ma maman m'a dit laï laï laï laï. Danse, danse, à la vie, à l'amour. Danse, à la vie, à l'amour. Danse, danse, à la vie, à l'amour. Danse, danse, à la vie, à l'amour. Danse, danse, à la vie, à l'amour. Danse, danse, à la vie, à l'amour. Danse, danse, à la vie, à l'amour. Danse, danse, à la vie, à l'amour. Danse, danse, à la vie, à l'amour. Danse, danse, à la vie, à l'amour. Danse, danse, à la vie, à l'amour. Danse, danse, à la vie, à l'amour. Danse, danse, à la vie, à l'amour. Danse, danse, à la vie, à l'amour. Danse, danse, à la vie, à l'amour. Danse, danse, à la vie, à l'amour. Danse, danse, à la vie, à l'amour. Danse, danse, à la vie, à l'amour. Danse, danse, à la vie, à l'amour. Danse, danse, à la vie, à l'amour. Danse, danse, à la vie, à l'amour. Danse, danse, à la vie, à l'amour. Danse, danse, à la Allez, bonne nuit sur Énergie, c'est Mickaël tous les soirs. Bon, on démarre. On est en décembre. Noël arrive. C'est une fête magique. On célèbre l'amour, l'amitié, la joie. Noël, c'est féerique. La joie, la bonne humeur, la famille. Toutes les nuits, ils sont là. Ils sont là. Mickaël, Tof, Polo et Amina. Ils terminent l'année en beauté. La vie est un combat. Une lutte entre le bonheur et le malheur a lieu. Tous les soirs, choisis ton camp. Tu aimes sourire et tu aimes rire. Tu es le bien. Bien. Tu es mauvais et tu te plains. Tu es le mal. Pressé de finir 2018. Une année mouvementée. Beaucoup de rire et d'amusement. Des problèmes et de grands moments. Ah, vous êtes génial. Ça se termine bien. Et heureusement. Sans conflit et calmement. Et pourtant, après avoir subi des problèmes, des changements d'horaire, de grosses galères, des changements de studio, des changements de pays, des galères d'argent, une expulsion, une révélation. L'année se termine. Mickaël et toute la team vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d'année sur Énergie. Twitter, Facebook et Insta. M.I.K.L. officiel. Allez, c'est parti, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien, comme d'habitude, oui. On est en direct. 01 40 71 5000, ça c'est le numéro. Si vous voulez nous joindre, si vous voulez jouer avec nous, si vous voulez faire ce que vous voulez en fait, hein, globalement, il n'y a pas de problème. Vous venez, vous nous appelez, vous passez en live à l'antenne. Et puis, puis on est là voilà, pour se marrer jusqu'à 3h du matin. Amina va bien? Bonsoir, oui ça va très bien. Bon, tant mieux, Tof est au vater, hein, un peu comme d'habitude. Voilà, Polo va bien également. Ça va très bien, pourquoi ça irait pas? Très bien, je sais pas, je pose la question. J'ai mal à ma jambe, j'ai fait du sport aujourd'hui. Oh là, ce cinéma, j'en peux plus de ce mardi. Mais j'ai pas fait de X-Body aujourd'hui. Ça a marché. Non, je fais du vélo. Comment ça? Du vélo dehors? Non, du foot dans en salle. Non, il faisait trop froid là. Non. On fait du vélo d'appartement comme ma grand-mère. On était, dans une salle. Il y a des vélos. J'ai fait un vélo. Voilà. T'as été dans une salle de sport? Ouais. Tu t'es perdu? Bah non, pourquoi? T'as une réduction? Non, c'était gratuit. Ah voilà. C'était mieux qu'une réduction. Mais t'as remarqué, il est musclé là, on dirait. Non mais c'est surtout que j'ai mal sur la jambe là, sa mère. Oh là. Quel cinéma. Ça tire. Oh là, non mais la race quand même. Hein. Une demi-heure de vélo, ça race. Ah bah je sais. Oui. 120 calories. Ah bah oui. J'en ai chié des barres là, je transpirais des gouttes. Pour 120 calories, un demi giant, même pas, un quart. C'est à peu près une canette de coca. Scandaleux. Mais oui. Tout ça pour ça.